Amis auditeurs, bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de RGM. Et bonne année, ben oui, parce que nous sommes en 2023 maintenant, le 2 janvier 2023 déjà. Alors, le programme de cette émission de ce soir, le calendrier des esclavages et des libérations. Alors, je vous propose, avec Macron, les députés ne servent à rien. C'est Blast qui nous dit ça. Ensuite, une petite blague... comme ça, de Jean-Yann, le permis de conduire, hein. Alors, j'ai la moitié de la France, patron de BFM, SFR. Macron, c'est la pénurie permanente. Et Manon Aubry, le Parlement européen a besoin d'être dépoussiéré. Dépoussiéré. Qatargate, extrême droite, Jean-Luc Mélenchon, et puis une petite revue de presse, voilà, et puis ce sera tout pour ce soir, hein, ouais, c'est déjà pas mal, hein. L'abbé Joumina va maintenant vous parler de son expérience auprès de ceux à qui il a permis de retrouver les voies du Seigneur. Bien, chers frères, j'étais venu ici dans l'intention de vous lire une lettre de Saint Paul adressée aux Corinthiens. Mais le temps me faisant défaut, je ne pourrais pas vous lire toute la lettre adressée par Saint Paul aux Corinthiens, et je me contenterai de vous lire la fin de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Veuillez agréer, chers Corinthiens, l'inspiration et la considération distinguées. Calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 2 janvier ? Eh bien, le 2 janvier 1920, en Inde, une grève générale des ouvriers du textile à Bombay met en branle un mouvement de grève dans de nombreux centres industriels pour protester contre l'Indian Act, réforme votée en décembre 1919, qui laisse les postes clés sous contrôle des colonisateurs britanniques. Mais c'était il y a longtemps, c'est en 1920, hein. Oui, maintenant, la situation actuelle n'a plus rien à voir avec ce temps-là, hein. Tout s'est amélioré dans tous les domaines. 1959, Cuba. Che Guevara et les barbus de Fidel Castro entrent à la Havane. Ah, enfin, un pas vers le progrès. 1959, URSS. Pour la première fois dans l'histoire, une fusée cosmique quitte le champ d'attraction terrestre. L'unique 1 deviendra une planète artificielle du système solaire. 1959, en URSS. 1970, France. Le SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, devient le SMIC. SMIC, le SMIG devenu le SMIC. Salaire minimum interprofessionnel de croissance. Alors, à la prononciation, c'est presque pareil, hein. Le sens, le sens. Il y avait salaire minimum interprofessionnel garanti. Garanti. Ça, c'était très important, le terme garanti. Et maintenant, c'est de croissance. Ça veut dire que s'il y a de la croissance, si on décrète qu'il y a de la croissance, peut-être que les salaires pourront augmenter un petit peu. Sinon, ils augmenteront pas. C'était en 1970. Voilà. On recommençait à nous jouer des vilains tours. Juste en changeant une lettre. Hein, oui. 1977, Porto Rico. Carlos Romero Barallo est élu gouverneur au suffrage universel. Mais le pouvoir reste entre les mains de la Maison Blanche. C'était en 1977, hein. Actuellement. Hein. Non, c'est maintenant fini ça. L'omniprésence des États-Unis dans le monde de la finance, dans le monde industriel, dans le monde du cinéma, dans le monde de la banque, dans le monde du travail, de l'emploi, du chômage. Non, maintenant, plus rien à voir. C'était en 1977, voyons. Et puis là-bas, 1980. Grande-Bretagne, première grève nationale de la sidérurgie depuis 1926. 130 000 grévistes demandent une augmentation de salaire de 29%. Ils obtiennent 15%. Grande-Bretagne, 1980, augmentation de salaire de 29%. Ce qu'ils voulaient, 29%. Ils obtiennent 15%, la moitié. Alors maintenant, on essaierait de demander 15%. Il y en a qui feraient la gueule, hein. Et puis, de toute façon, les syndicats ont été muselés, étranglés. 1984, Tunisie. Émeute de la faim suite à l'annonce du doublement du prix des produits céréaliers. La répression fait de nombreux morts. Le premier ministre accuse les manipulateurs étrangers. Oh. Le premier ministre accuse des manipulateurs étrangers. Vous croyez des choses pareilles, vous? Des manipulateurs étrangers? On a déjà bien assez des manipulateurs nationaux, locaux, départementaux, régionaux. Si vous cherchez la source du fleuve, vous la trouverez dans les gouttes d'eau sur la mousse. C'est un proverbe japonais. Je vivais comme une ombre, j'avais les idées sombres, faisant partie du nombre des désespérados. Je ne savais quoi faire pour chasser ma misère. Quand on est solitaire, aïe, on a froid dans les os. Quand dans une chapelle, sous la blanche très belle, statue de la douce, immaculée conception, je sentis la foi naître, et au fond de mon être, du Seigneur Jésus corrige la révélation, dans les bras de Jésus. Maintenant tous les jours je danse, et désormais mon existence vaut la peine d'être. moi je suis éperdu dans les bras de Jésus. Pas du tout. C'est violence. Vous ne dites pas, nous n'utiliserons pas le 49.3 sur cette réforme. Mais ce serait mentir que de vous dire par principe qu'on l'écarte. Ce ne serait pas compris par les Français, ce serait compris comme une provocation. Alors finalement, pourquoi avez-vous si peur du débat ? Tu vas la fermer. La séance est levée. Bonne fête de fin d'année à tous. Nous vivons aujourd'hui un des hold-up les plus graves de l'histoire française. Allons bon, couvert par l'habitude, normalisé par les médias, neutralisé par les partis, cet assassinat politique pur et simple ne nous choque même plus. C'est devenu notre quotidien. Le pouvoir français n'est plus démocratique et notre pays a basculé sans heurts et sans cris. On dit qu'il y a des députés en France, on murmure même qu'il y aurait un Parlement. En réalité, sans se le dire, on sait tous que ce sont des bonis mensonges, dispensés pour nous faire croire en un système tordu et vicié. Lentement mais sûrement, élection après élection, le pouvoir a étouffé la démocratie française pour la transformer en une monarchie présidentielle. L'ego, l'hubris, la démesure de pouvoir de nos politiques, de droite comme de gauche, ont conduit notre pays dans une impasse que nous payons chèrement aujourd'hui. Encore plus cher que l'électricité. Merde. Déjà qu'on se les pèle. Sans que cela ne soit vraiment discuté, notre système politique vole et détruit la voix des citoyens de notre pays. C'est probablement le hold-up le plus grave, parce qu'à la différence des autres, pas de grands méchants, pas de Pétain, pas de Pinochet, pas de coup d'éclat, mais une série de dérives qui, progressivement, en normalisant la place d'un président illégitime, décideur de tout, mais responsable de rien, ont transformé une démocratie vivace en parodie digne de Chaplin. Make our planet great again. La situation de notre démocratie est critique. Nous sommes au bord du précipice. Depuis une dizaine d'années, la confiance des Français dans leurs institutions politiques s'effondre. Bientôt, nous serons une majorité à penser que rien ne vaut une bonne dictature. Bah, puisqu'on y est déjà, autant y aller à fond. Cette année, à la différence des autres élections législatives, aucune majorité absolue n'est présente au Parlement. Il y a bien un groupe en tête, ensemble, mais il ne parvient pas à dépasser la barre fatidique des 289 députés pour prétendre à être une véritable majorité parlementaire. Comme toute majorité relative, elle serait obligée de transiger. Beaucoup avaient pensé que le camp macronien serait obligé de céder pour gouverner. Sauf que Manu, il ne cède rien. Hein. Der beau garçon ist ein salopard. Ein grosse salopard. Alors finalement, pourquoi avez-vous si peur du débat ? Et on a vu, par l'usage répété des outils de direction de l'action du Parlement, le 49-3, le contrôle des amendements, la procédure accélérée, etc., que cet usage a permis au gouvernement soutenu par cette majorité toute relative de ne pas trop s'encombrer avec ses oppositions. Déjà que pendant 5 ans, quand il avait une vraie majorité, il s'était pas privé. Il y a des gens hein, qui trouvent que c'est pas bien, hein. Mais on s'en fout. Dis-moi quand je te tape. Cette situation est d'autant plus crispante pour les Français que les législatives semblaient avoir donné un coup de semonce à la politique présidentielle. Ouais, bah coup de semonce dans l'eau, hein, 49-3 sur 49-3 sur 49-3 sur 49-3 sur 49-3. Cette pratique capricieuse et dominatrice de la politique macronienne pourrait bien être le dernier clou dans le cercueil de la confiance démocratique française. Au bord du gouffre, cerné par une extrême droite apparemment irrésistible et un gouvernement dirigeant par la force, il est grand temps de faire un point sur cette machinerie politique, de voir avec plus de clarté à quoi elle devrait normalement servir, autrement dit, comment ça marche une vraie démocratie. Dans ce dernier épisode de cette série de vidéos pour 2022, nous allons revenir sur nos institutions représentatives qui nous représentent si mal ces derniers jours. Car au fond, si on en est là, est-ce vraiment parce que... Pour légitimer notre Parlement et s'assurer du caractère démocratique de notre pays, on dit souvent que tout ne tient que parce que le Parlement représente le peuple. Et avec quel talent ? Je voterai contre l'interdiction de la corrida. Tu vas la fermer. C'est pourquoi les républicains, les déménageurs, les couvreurs, les gens dans les travaux publics sont équipés d'exosquelettes, ils sont équipés de matériaux. Aujourd'hui, la pénibilité n'est plus la même. Et c'est la question qu'il faut se poser. En quoi nos représentants nous représentent-ils vraiment ? On sait, depuis le début de notre démocratie moderne, qu'il est impossible que nos représentants, nos élus, nous représentent exactement comme un miroir. Ce n'est pas possible parce que cela supposerait de les élire tout le temps. En gros, de leur dire exactement quoi dire à chaque fois. Moi, je suis partant, hein, démocratie directe, mandat impératif, et basta. Certains d'entre vous ont réagi à la dernière vidéo où on disait que la démocratie directe n'était matériellement pas possible. On a pu lire que certains étaient prêts à siéger plus ou moins en permanence pour décider de notre avenir collectif. Bravo à vous, c'est rare et précieux un tel sens de la citoyenneté. De plus en plus rare, malheureusement. Et pour donner des institutions à un pays de près de 70 millions de personnes, il faut penser à la majorité de nos concitoyens qui, comme on le voit, élection après élection, même quand les enjeux sont critiques, comme en juin, ne s'y intéressent pas. Il faut donc des institutions stables qui nous permettent d'être représentés le plus fidèlement possible. Mais soyons clairs, aucune institution représentative ne peut être le miroir d'un peuple de 70 millions d'individus. Nos députés ne sont pas des machines. Et encore heureux! Vous imaginez si on laissait des algorithmes écrire les lois? Ben, ça n'a pas été un algorithme McKinsey pendant 5 ans peut-être? Nos députés sont des individus avec leur propre idéologie, intérêts, biais et culture politique. Mais alors, en quel sens peut-on dire que notre Parlement nous représente s'il n'est pas un miroir de nos propres idées ? La plupart du temps, on recourt à une petite fable, celle de l'auteur et de l'interprète. Les députés sont les représentants du peuple parce qu'ils interprètent la volonté de l'auteur, le peuple, telle qu'elle est issue des urnes, pour la transformer en politique concrète et applicable. Le problème de ce système, c'est justement que c'est une fable. On voit bien aujourd'hui à quel point la représentativité de notre système politique est d'un vide abyssal. Nos institutions ne permettent pas à la voix du peuple de triompher et l'interprétation que nos représentants font de notre volonté populaire est sévèrement distordue. Et c'est probablement un des problèmes les plus compliqués des démocraties contemporaines. Les peuples ne se retrouvent pas représentés par leurs représentants. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, soit la majorité absolue des membres composant l'Assemblée 288, pour l'adoption 101. Donc la majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. En conséquence, le projet de loi de finances pour 2023 est considéré comme adopté en lecture définitive. Prochaine séance, lundi 9 janvier à 16h. La séance est levée. Bonne fête de fin d'année à tous. Eh ben super, formidable. Bonne année, bonne santé. Qu'est-ce qu'on peut y faire de toute façon, hein? Allez, tchin tchin. Et c'est notre problème. Les garanties au fonctionnement démocratique des institutions françaises sont très affaiblies et c'est ça qu'il faut changer. Pour les changer, nous devons renforcer ces garanties. Comme disait Montesquieu, le pouvoir va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Et pour l'instant, il semble ne pas en avoir. Il nous faut donc contrôler et encadrer nos élus. S'en méfier. Et le meilleur moyen, c'est de les rendre responsables. C'est-à-dire de les obliger à rendre des comptes devant le peuple régulièrement. Vous ne dites pas, nous n'utiliserons pas le 49.3 sur cette réforme. Mais ce serait mentir que de vous dire par principe qu'on l'écarte. Moi, j'espère qu'on n'est pas à l'utiliser. Je le redis, on a aujourd'hui une majorité de textes, hors le texte du budget, qui a réussi à être adopté 149 ans. En vérité, tous les autres textes, que ce soit sur les questions de sécurité intérieure, que ce soit sur les questions de pouvoir d'achat, nous avons réussi de manière systématique à trouver des compromis. Pourquoi on n'y arriverait pas sur ce sujet, alors qu'en vérité, tous les Français savent aujourd'hui pertinemment que cette réforme doit se faire. Les politiques n'ont pas à décider comment le peuple a à s'exprimer. Ils doivent permettre au peuple d'exprimer le plus librement sa volonté, éclairée par un débat public, contradictoire et de qualité. Bref, sans Bolloré-Land et son hystérisation collective généralisée, quel que soit le sujet. Monsieur Barthez s'est permis de dire à l'antenne « ta gueule, ta gueule ». C'est ce qu'il a dit. Tu parles, il ferme ta gueule. Allez, non, mais tu parles, il ferme ta gueule. T'es sérieux ou quoi? Bon, et déjà, le petit bobo là, de Blas qui boit des cafés au Café de Flore, là, qu'est-ce que t'as à proposer d'autre, hein, qu'est-ce que t'as? Ah, si seulement on pouvait imaginer un organe collectif où le peuple pourrait envoyer des gens qui seraient chargés de vérifier que tout se passe comme il le veut, qu'il chargerait de contrôler les autres organes de l'État et à qui il confierait le soin d'organiser un débat public intelligent et contradictoire. Un parlement. Et normalement, tout ça, c'est un Parlement qui le fait. Alors pourquoi ça coince ? Classiquement, un Parlement a deux ou trois fonctions principales. Voter les lois, décider du budget et contrôler l'action du gouvernement. Autrement dit, un Parlement décide de ce qu'on va faire, comment on va le faire et contrôle ceux qui exécutent. Et un Parlement est censé être une parfaite arène pour ça. si tant est qu'elle soit dotée de pouvoir réel. Dans un Parlement, il y a plusieurs courants d'idées et d'options politiques qui proposent des visions et des méthodes différentes pour régler les problèmes de la communauté. Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. C'est violence. Cette Assemblée doit être dotée, dans les faits, de larges pouvoirs pour rendre ces débats féconds et utiles. Or, à ces trois fonctions, notre Parlement faillit gravement. Et c'est ça, notre Trafalgar à nous, le peuple. Pas un Trafalgar avec ses coups de canon et autres tintamarres. Non, un Trafalgar en loose dé, en scred, pour que tout le monde s'arrange comme il faut. Voter les lois, le Parlement en est largement dispensé. L'essentiel des lois votées sont d'origine gouvernementale, ou rédigées par lui, puis présenté par un député de la majorité. C'est pratique, le député alibi. Le lien entre le gouvernement et le Parlement est si dysfonctionnel que l'essentiel de notre droit, qui doit régir notre vie de Français, est décidé par des ministres et hauts fonctionnaires. Tout le bénéfice d'un débat contradictoire, engagé et rationnel est largement perdu. Sa fonction législative et parlementaire est ainsi méprisée sous la Cinquième. Je te méprise. Voilà très simplement que j'ai pour toi. C'est pour ça que je t'aime. Voter le budget, si quelqu'un en doutait encore, ce n'est plus qu'une vaste blague. Avec ses 49-3 à répétition, le gouvernement décide et le Parlement s'exécute. Et en plus, en matière budgétaire, le gouvernement peut en utiliser autant qu'il veut de 49-3, alors que pour le reste, c'est une fois par session. En plus de tout ça, quand il s'agit de contrôler l'action du gouvernement, l'origine historique du Parlement, d'émettre les rois et les tyrans, son action est réduite à peau de chagrin. Attention, les députés en ont le pouvoir, mais ils en font rien. Ou si peu. Le gouvernement reste sur ses 65 ans. Est-ce que vous vous y opposez ? Est-ce que vous déposez une motion de censure ? Tout est question, une fois encore, de calendrier, mais je pense qu'agiter ce chiffre de 65 ans aujourd'hui, alors qu'on fait que le gouvernement ne fait aucun effort par ailleurs de réduction de la dépense publique, ça ne serait pas compris par les Français, ce serait compris comme une provocation. Et donc, on ne soutiendrait pas cette réforme. Mais vous déposerez une motion de censure ? On n'en est pas là, mais ça fait partie des hypothèses. Sérieuses. Des hypothèses sur lesquelles effectivement on ferait entendre notre désaccord avec les moyens dont nous disposons. Peut-être est-il temps d'enterrer la crise de la représentation pour mettre au devant de la scène le vrai protagoniste, la crise des représentants. Le gouvernement devrait être véritablement contrôlé et dirigé par l'Assemblée, et les députés devraient vraiment représenter les intérêts des Français. Et qu'est-ce qu'on fait du président ? Je laisse à cette citation inspirante de Clémenceau le soin de vous le dire. La vie m'a appris qu'on peut très bien se passer de deux choses, la présidence de la République et la prostate. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Si des sujets vous troublent encore ou si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on essaiera de répondre. Blast est un média indépendant des puissances d'argent, mais dépendant de votre sens citoyen. Alors pour les fêtes, au lieu d'acheter un rasoir à papa ou à maman, payez-leur un petit abonnement à Blast. Nous voulons de l'argent ! De l'argent ! À très vite pour de nouveaux épisodes et bonne fin d'année, les cocos. Alors d'abord, je ne suis pas ton petit coco, je suis le petit coco de personne. Est-ce que j'ai une tête de petit coco ? Premier candidat, mademoiselle, asseyez-vous. Mademoiselle, première question. Vous vous trouvez sur une route à grande circulation, n'est-ce pas ? Vous croisez une route départementale dont la largeur est double de celle d'un chemin vicinal, qui la prolonge au sud-ouest d'une ligne médiane tracée par le voie côté d'une route secondaire parallèle à celle que vous venez d'éviter, en empruntant le trajet inverse de celui inscrit sur un panneau indicateur placé derrière vous. Il pleut, votre essuie-glace tombe en panne, que faites-vous ? Ben, je sais pas, moi, je crie au secours. Vous criez au secours ? Vous ne savez pas. Bon, ben, recalez, mademoiselle, et poussez votre genou, merci beaucoup. Oh, ben alors, sale vieux ! Nymphomane. Suivant. Candidat suivant. Suivant. Ah, une seconde. Il y a pas le feu, non ? Dépêchons-nous un peu, monsieur, il y a d'autres candidats. Il faut pas bousculer papa, là. Une seconde, hein. C'est ça. On n'est pas aux pièces, non ? Asseyez-vous. Ah, oui. Vous êtes bien installé, ça va ouais, comme ouais, vous voulez. Oui, ça va, c'est les genoux, juste là. Ben, c'est une petite voiture. Ben oui, puis j'ai les gros genoux. Mais... La prochaine fois, je prendrai un autocar. Ben oui, parce que je pourrais pas changer mes genoux. Mais... Bon, monsieur, première question. Vous montez dans votre voiture, celle-ci ne veut pas démarrer, que faites-vous ? Qu'est-ce que je sais, moi ? Ah ben, vous feriez bien de savoir. Vous montez dans votre voiture, elle ne démarre pas, qu'est-ce que vous faites ? Redites-moi ça un peu, pour voir. Vous êtes un peu dur d'oreille. Vous montez dans votre voiture, vous tirez sur le démarreur, rien ne se passe, qu'est-ce que vous faites ? Eh ben, je descends ! Ah, la manivelle. Non, je descends, puis je file un grand coup de pompe dans cette saloperie de bagnole. Puis après, je prends ma clé à molette, j'ouvre le capot et je casse le moteur en mille morceaux. Je frappe, je cogne. Parce que je suis pas du genre à me laisser emmerder par un tas de ferraille, hein. Bon, monsieur, autre chose. À présent, vous arrivez à un carrefour. Ouais. Un agent de la force publique vous fait signe de vous arrêter. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Je passe. Je passe et puis je me débrouille pour l'attraper avec mon aile gauche. Puis j'y roule sur le buffet. Puis au passage, j'ouvre ma portière et j'y balance un bon coup de pompe dans la gueule par la même occasion. Parce que c'est pas un flic qui va faire la loi, non? Prenez pas tout le siège. Bon, monsieur, à présent, vous êtes sur une route départementale. Ah, ben ça m'étonnerait, alors. Qu'est-ce que vous dites? Je dis ça m'étonnerait que je sois sur une route départementale. J'y vais jamais sur les routes départementales. C'est plein de boue et ça sent mauvais. Mais non, j'entends bien, monsieur, mais c'est une supposition. Vous êtes sur une route départementale. Non, je suis pas sur une route départementale. Je viens de vous dire que j'y mettais jamais les pieds sur les routes départementales. J'aime pas ça, les routes départementales. Je hais les routes départementales. Les routes départementales, rien que de m'en causer, ça me donne envie d'envoyer des mandales dans la conche à tout ce qui remue. Mais en admettant... Oh, je vais me le farcir. Quoi? Mais qu'est-ce que vous entendez par... Ah, je vais être obligé de me le farcir. Non, mais enfin, vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions? Non, est-ce que je vous en pose? Non, absolument pas. Est-ce que je vous demande qu'est-ce que vous faites s'il se passe ceci? Qu'est-ce que vous faites s'il se passe cela? Non, mais c'est moi est-ce que je vous oblige à aller sur une route départementale, mais moi? Qu'est-ce que j'irai est-ce faire? Que je vous demande pourquoi vous avez cette tête d'abruti, là? Quoi? Et pourquoi ça fait un bruit dévié quand je la remue, hein? La seule chose que je vous demande, c'est si vous me le donnez, mon permis, oui ou non? Qu'est-ce qu'on peut perdre comme temps en formalité, hein? Oh. Ce sont des révélations signées par les médias indés Reflet.info et Street Press en partenariat avec Blast, les Dry Leaks. Après les Panama Papers, les Pandora Papers, les Paradise Papers, les Uber Files, les McKinsey Gate et des autres Swiss Leaks, les Lux Leaks. Et j'en oublie d'état, vous allez me dire encore des révélations qui passeront sans effet ou presque sous la prochaine actu qui fera un meilleur buzz. Peut-être, on verra ce qu'en diront mes deux invités de ce soir. Au menu, évidemment, des indécences habituelles, des chiffres stratosphériques et des pratiques qui défient l'entendement au sein de l'empire international du multimilliardaire, célèbre mais discret, Patrick Drahi. Il jouit de 5 nationalités différentes, vit officiellement à Zermatt, un petit village suisse où la fiscalité est extrêmement douce. Même si vous avez plus de chances de le croiser à Genève ou ailleurs, où les affaires se font, Patrick Drahi est à la tête d'un empire nommé Altis, composé d'une galaxie de micro-sociétés qui forment un montage très complexe que les journalistes que je reçois ce soir pensent très utile pour se protéger de quelconque contrôle. Et pour y voir plus clair dans ces Dry Leaks, c'est comme ça qu'on les appelle, j'accueille mes deux invités de ce soir, Clara Molloyer. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être là ce soir, journaliste chez Street Press, et Antoine Champagne, cofondateur et journaliste de chez Reflet au pluriel.info. Oui, bonsoir. Bonsoir. Antoine, merci d'avoir accepté l'invitation ce soir encore une fois. Et pour commencer, rappelons peut-être, et j'imagine que c'est ici la source peut-être de ces Dry Leaks, que je vous avais reçu ici même en fin septembre. À l'époque, vous me racontiez comment un groupe de hackers, c'était un peu Hollywood ce truc, c'est un peu télévisuel, avait subtilisé des dizaines de milliers de documents internes au groupe Altis et les folies qui révélaient, etc. Peut-être un mot sur ce point avant d'enchaîner. Est-ce que ça prend sa source ici? Est-ce que ça prend sa source? Est-ce que toutes ces oui, affaires sûr, prennent, sûr, prennent bien, leur bien source sûr. Ici on peut revoir d'ailleurs l'échange qu'on avait vu sur le site du Média. J'en ai dit deux mots dans mon intro, mais je pense qu'il est utile de décrire un peu la chose. De quoi on parle en fait quand on parle de l'Empire Drahi, Antoine? L'Empire Drahi, c'est un énorme groupe en fait qui s'appelle... Altis. Un jour, il s'appelle Altis, voilà. Un autre jour, il s'appelle autre chose, parce que ça change assez régulièrement de forme juridique, de pays d'accueil en fonction de la fiscalité. Il va déménager des Pays-Bas au Luxembourg, etc. Mais c'est un énorme groupe qui comprend effectivement, en tout cas en France, SFR, que tout le monde connaît, un opérateur de téléphonie, mais aussi BFM TV, RMC, une dans l'Express, dans Libération, même s'il dit que maintenant il n'a plus le contrôle, mais en fait sont des hommes de paille qui tiennent le fond, qui détient les parts de Libération, donc il n'a pas du tout lâché prise. Donc voilà, c'est un empire de presse et c'est également un empire industriel. Qui ne se limite pas aux frontières de la France. Qui, bien sûr, qui est tout à fait mondial. Il y a des entreprises dans absolument tous les pays, tous les continents. C'est un empire mondial. Alors, depuis ce qu'on apprend ce soir, aujourd'hui tout du moins, vous avez épluché de nombreux documents ensemble, vous liant à d'autres journalistes pour arriver au bout de ce travail qu'on imagine fort conséquent. Alors, quelles ont été vos premières trouvailles, Clara? Oui, il y a beaucoup de choses justement, parce qu'il y a énormément de données, énormément de documents. Donc c'est vrai qu'au début, on a tendance un peu à se perdre dans tout ça. C'est pour ça que c'était important aussi de se rassembler en plusieurs médias et en tant que journaliste de se partager le travail. En fait, on trouve vraiment de tout. Donc il y a des choses qui concernent la vie privée de Patrick Drahi. Ça nous intéresse pas. Mais vraiment, pour nous, c'est vraiment des données, des informations d'intérêt public sur son groupe Altis. Et tous ces montages, ces choses comme ça, il y a énormément de documents. Si on s'y mettait à tous, c'est quasiment impossible de tout consulter vu la quantité qu'il y a. Comment ça s'est passé d'ailleurs? Ça fait combien de temps que vous travaillez dessus? Comment ça s'est passé? Vous répartissez le travail comment en fait pour pouvoir arriver au bout de ces lectures et ces découvertes qu'on va un peu éplucher ensemble juste après? On se répartit les sujets, on se répartit les angles, et puis en fait ça permet aussi que chacun puisse se donner des infos les uns aux autres quand on voit passer quelque chose qui irait pour telle ou telle enquête, parce qu'en fait il y a vraiment beaucoup de documents et tout se lie aussi ensemble. Tout est un peu toujours lié aussi. Il y a le côté média, on en parlera peut-être après. Il y a le côté un peu international de Patrick Drahi aussi. Alors justement, en parlant du côté média, le 2 février dernier, cette année, en 2022, Patrick Drahi était interrogé, vous le savez, vous vous souvenez, par les sénateurs dans le cadre d'une commission faisant focus sur l'indépendance, ou plutôt la dépendance des médias français. Et c'était alors défendu d'un quelconque appétit d'influence, souvenez-vous, lors de rachat de médias, ça ne le motive pas du tout. Je vous propose de l'écouter pour réactiver un peu le souvenir. On participe, en réalité, à la vie française en investissant non seulement dans les infrastructures, en payant un maximum d'impôts, puisque SFR ne payait pas d'impôts, ou presque pratiquement plus d'impôts quand je l'ai acheté, puisqu'il était en situation de perdre de l'argent, je vous dis, il paye beaucoup d'impôts, et enfin en payant les licences. Donc, croyez-moi, acheter des médias, ça n'a rien à voir avec une demande d'influence. Moi, j'ai 30 millions de clients chez SFR. J'ai la moitié de la France. Donc, je me promène dans la rue, tout le monde me connaît. Enfin, tout le monde connaît mon entreprise. Je n'ai pas besoin d'avoir une influence sur quoi que ce soit. La commande publique, je n'ai pas de commande publique. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui, des mois plus tard, éventuellement, dans vos découvertes, vous permettre, par exemple, de remettre en cause ou en question ces propos tenus au début d'année ? On a fait un article qui justement est axé là-dessus, c'est-à-dire sur une déclaration particulière qu'il a faite devant les sénateurs, mais qui n'est pas dans le lot des révélations d'aujourd'hui, qu'on a traité avant, qui est le fait que un des sénateurs projette un organigramme de son groupe à l'écran derrière lui, et Patrick Drahi observe, et sur cet organigramme, il y a une société qui est logée au Panama et qui par des jeux de « je détiens telle société qui détient telle société », bref, détient en fait les médias de Patrick Drahi. Patrick Drahi dit « je sais que je suis sous serment », il veut appuyer là-dessus, voilà. « je n'ai jamais eu de société au Panama ». Donc on a regardé évidemment ce point-là, et encore une fois, comme souvent, il joue sur les mots. Il biaise en fait, parce que bien sûr il manipule lui en tant que vous. Mais il biaise, il joue avec les mots parce que c'est évidemment lui-même en tant que tel n'a pas une société au Panama. En revanche, son groupe dont il est propriétaire à 100%, c'est pas un groupe qui est coté en bourse, il est lui-même propriétaire de toutes les actions de son groupe. Son groupe fait des contrats de fiducie avec des entreprises au Panama. Alors, un peu compliqué, qu'est-ce que c'est ? Je passe un contrat avec une société au Panama qui va porter mes actions, qui va devenir propriétaire de mes actions pendant un certain temps. Alors, je définis le temps et éventuellement je la paye pour cela, mais, ou pas, et je récupère mes actions après. Bon, ça permet d'éviter des histoires d'impôts ou de... Et ce qui est intéressant dans le cas particulier, c'est que Altice, tout d'un coup, rachète ses propres actions à la société au Panama qui porte ses propres actions. Donc on se dit, mais pourquoi ? Et ce qui est amusant, c'est que cette société au Panama a un compte en banque sur lequel est versé cet argent, qui lui-même est au Liechtenstein, un pays à côté de la Suisse, tout à fait accueillant en termes de fiscalité et de secret bancaire. Tout ça est extrêmement... opaque, en fait, ce que nous disent d'ailleurs tous les experts dans ce genre de montage que l'on a consulté, ils nous disent il vit dans une opacité, une complexité qui est fabriquée artificiellement pour toutes ces affaires, en fait, des montages très complexes. Est-ce qu'il maîtrise ça, Clara, selon vous ? Est-ce que, parce que vous, en tant que journaliste, on regarde ça, on s'y retrouve difficilement, on peut imaginer que lui découvre, enfin, je me fais l'avocat du diable, est-ce qu'il maîtrise toute cette galaxie, finalement ? C'est vrai que nous, on a remarqué dans les échanges, etc., que même eux se perdent tellement c'est des montages extrêmement compliqués que même eux ne savent plus à qui appartient quoi, où c'est. Et du coup, ils font des schémas pour tout expliquer avec des flèches en bleu, en rouge, des codes couleurs pour décrire tout ça, parce que tellement c'est compliqué, eux-mêmes s'y perdent et c'est vraiment incompréhensible. En fait, c'est le but. Le but, c'est que ce soit incompréhensible et que ce soit difficile de remonter le chemin. Et en fait, c'est contrôlé. C'est ça. Alors, dans l'extrait qu'on vient de voir, il y a à un moment donné Patrick Drahi qui dit être connu de tous, avant de se rectifier et de dire enfin, ils connaissent mon entreprise, ils connaissent SFR, évidemment. Alors, c'est intéressant de souligner, car quand on parle de multimilliardaires en France, on a tout de suite à l'image Vincent Bolloré, l'homme le plus riche du monde, LVMH, Bernard Arnault. Et pourtant, du coup, Patrick Drahi, on le voit, vous l'avez souligné encore ce soir, rien n'a envié, il n'y a pas à rougir face aux autres, face à eux en termes de puissance et de possession, comme on l'a vu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il demeure quand même si peu connu du grand public, lui. Je crois juste qu'il cherche en fait à ne pas être justement affiché comme d'autres milliardaires, et il cherche la discrétion. C'est pas du tout quelqu'un que l'on voit dans les gazettes, en fait, jamais. Et je pense que c'est aussi pour cela, parce qu'on a commencé à s'intéresser à lui, qu'il s'est autant énervé, on va dire. Oui, j'imagine. Enfin, on voit qu'il a peut-être un peu moins d'ego que Bernard Arnault qui défile avec Léa Salamé pour son musée. Enfin, c'est pas les mêmes personnes finalement, en fait. Ça change beaucoup. Il y a beaucoup moins de portraits sur Patrick Drahi. Il y a quelques papiers, par exemple, des Échos. Mm-hmm. Mais oui, c'est toujours en parlant de sa société Altice, de quelqu'un qui s'est fait tout seul, etc. Mais il y a beaucoup moins de papiers, portraits sur Patrick Drahi. Enfin, on voit que c'est quelqu'un de très discret qui maîtrise aussi son image et sa communication. Ouais. Et c'est là que vous débarquez, sur son image, pour le coup un peu écran de votre travail. Une de vos dernières révélations, puisqu'il y en a eu une par heure toute la journée, il y a eu de quoi lire pendant toute la journée, alors on reviendra sur cette stratégie un peu plus tard, donc qui met la lumière sur l'aspect international du monsieur, ou plutôt sans frontières de monsieur Drahi. Il possède, comme je l'ai dit dans l'intro, 5 nationalités, et prend l'avion, plutôt le jet, comme nous on prendrait le bus et le métro, ou la voiture. Antoine, qu'est-ce qu'on peut dire de ce côté international de M. Drahi, mais c'est de rigolo, ses multiples passeports. C'est rigolo parce que finalement, il rejoint tout d'un coup un concept qui est le concept no border, donc le voilà devenu plutôt d'extrême gauche. Non, en fait, je rigole, pas du tout. Il recherche en permanence pour tout dans ses affaires, et on le voit dans les documents, tous les documents qui sont produits par des groupes de fiscalistes à son service. En fait, il recherche en permanence l'optimisation fiscale. Ça vaut aussi pour ses nationalités, parce que quand il achète, entre guillemets, un passeport dans un paradis fiscal qui s'appelle Kitts and Nevis dans les Caraïbes, c'est aussi pour pouvoir bénéficier de la souplesse fiscale de ce lieu qui est sur la liste noire de l'Union européenne, ouais, en termes de paradis fiscaux. Oui, effectivement. Peut-être qu'il y a aussi des choses plus cocasses qu'on a pu voir soulever dans vos révélations, où vous révélez, plutôt dans la journée, le côté suisse, j'allais dire, de M. Drahi. C'est-à-dire, Clara, c'est vous qui écrivez dans Street Press, en partie, qu'il ira jusqu'à commander des tenues traditionnelles suisses pour vêtir ses filles. Vous allez me dire de quoi il s'agit. Mais aussi, je vous cite, que c'est aussi un obsédé, et ça rejoint ce que vous dites à l'instant, du contrôle qui aime, du contrôle fiscal, mais pas que ça, dans sa vie privée aussi. On va voir si ça dit quelque chose, mais qui aime que son papier toilette soit pilé d'une certaine manière, ou que son beurre soit à une certaine température. Tout ça peut sembler de l'ordre de la blague ou de l'anecdote, mais en réalité, ça vient peut-être révéler quelque chose de plus important sur l'homme. C'est ça, pour nous, c'était important aussi de décrire ce côté-là. Ouais. En fait, Patrick Drahi, c'est quelqu'un qui contrôle tout le temps, qui se mêle aussi de tout, c'est-à-dire qu'il y a des manuels qui, de bonne conduite ou de bonne pratique, qui décrivent ses habitudes, ses exigences. Par exemple, quand il arrive dans son avion, il faut lui proposer une serviette chaude, sauf s'il fait plus 30 degrés. Là, il faut lui proposer une chaude et une froide pour qu'il puisse choisir. Il faut tout le temps qu'il ait une bouteille d'eau à disposition de la marque Evian. Il y a ce qu'il aime manger, ce qu'il faut pas lui proposer, la manière de s'adresser à lui aussi. Il aime qu'on s'adresse à lui en disant monsieur, et surtout pas monsieur Drahi. C'est écrit en lettres capitales rouges avec un point d'exclamation dans certains documents. Combien de fois il faut nettoyer sa salle de bain. Et c'est vraiment quelqu'un qui contrôle tout, tout le temps, qui surveille tout. Enfin, c'est un de ses collaborateurs qui le dit. Il dit Patrick Drahi, il voit tout. Et pour nous, c'est vraiment aussi d'intérêt public. Enfin, c'est pas juste de l'anecdote. Bah, ça dit aussi quelque chose de la personne qui est Patrick Drahi, et surtout de la manière dont il gère les choses tout le temps dans son groupe. Si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, même si son groupe est tentaculaire et construit d'une manière très complexe, en fait... 25 milliards de bénéfices, c'est ça ? Surtout 50 milliards de dettes, en fait. Ah, il y a aussi des dettes, effectivement, on va en parler juste après. C'est un point important, parce que même si c'est assis sur 50 milliards de dettes, ça génère énormément de cash qui finit, lui... dans ce que l'on appelle le family office, c'est-à-dire l'entreprise qui gère les investissements personnels de Patrick Drahi. Un mot là-dessus, alors, sur ces dettes, parce que les gens se disent 50 milliards encore, enfin, c'est des sommes stratosphériques, comme je le disais dans l'intro. Ça représente quoi, en fait? Comment ils peuvent générer du cash en ayant des dettes? On se dit, là, on a notre travail, nous, on gagne le SMIC, voilà. Comment on peut comprendre ça? C'est un principe, en fait, assez courant, finalement, sauf que lui, c'est à une échelle assez importante, mais qui est que, à partir du moment où vous êtes endetté à un certain niveau, plus personne ne vous lâche. Les banques ne vous lâchent plus parce que vous représentez un risque trop important. Si on vous lâche, c'est une faillite, c'est autant d'argent qui ne sera jamais remboursé, etc. C'est ça, ne pas vous lâcher, c'est vous soutenir. On est obligé de continuer à vous soutenir. Donc vous continuez à demander des prêts qui vont eux-mêmes servir à rembourser d'autres prêts, etc. Des montages très, très compliqués qui sont c'est de l'industrie financière, en fait. Bien sûr. C'est comme ça que Patrick Drahi fonctionne. Parce que c'est important le terme. Après, les entreprises elles-mêmes vont générer du chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires, en fait, il va remonter. Le bénéfice va remonter vers la holding qui elle-même va redistribuer après des dividendes et toutes sortes de toutes sortes de manières, en fait. Le ruissellement fonctionne. Le ruissellement fonctionne, mais vers le haut. Ouais. Dans l'autre sens. Et peut-être aussi, je n'avais pas prévu forcément de poser cette question-là, elle me vient, le côté personnel, le côté vie privée, le côté voilà comment il gère finalement son monde. On a quand même souvent le discours du va falloir responsabiliser les milliardaires pour qu'ils fassent mieux, qu'ils polluent moins, qu'ils soient exemplaires. Est-ce que ça ne démontre pas l'idée qu'en fait, parce que j'imagine qu'il n'y a pas que lui qui réagit comme ça. Il y a plein de stars hollywoodiennes, plein de gens dans le business, dans plein de business différents qui vont exiger la bouteille des viandes, la serviette chaude, machin, et prendre l'avion comme on prendrait le bus. Est-ce que c'est pas aussi l'illustration qu'en fait, on faut pas faire avec eux, en fait, c'est va falloir les contraindre. Clara. En tout cas, nous, on essaye de documenter, avec ces documents, justement, ce que c'est Altice, ce que c'est Patrick Drahi, ce que c'est son empire. Et après, je pense qu'en lisant, chacun se fait son idée. Ses conclusions, mais effectivement, il est évident que, et c'était d'ailleurs tout ce qui avait motivé notre enquête au départ, puisque ça tombait au moment où le président disait que c'était la fin de l'abondance, qu'il allait falloir. L'abondance de Patrick Drahi, c'est pas du tout la même que la vôtre ou que celle des téléspectateurs. Enfin, c'est un autre monde, en fait. C'est bien de documenter, parce que c'est quelque chose, on le sait, on imagine que ces gens-là vivent comme ça. Maintenant, on le voit clairement avec des documents qui l'attestent. Alors, un mot sur la stratégie opérée pour la publication de votre travail, de ces révélations. Vous avez décidé de le faire ensemble, je le rappelle, Street Press et Reflet en partenariat avec Blast, et de publier une révélation par heure, alors c'est un peu peut-être inédit, durant toute cette journée-là. On sait que l'aspect médiatisation de quelconque information ou révélation est plus qu'importante. Alors, comment et pourquoi avez-vous décidé d'opérer comme ça ? Déjà ensemble, et ensuite, on a compris, le travail est important, mais cette publication une fois par heure, toute la journée, est-ce que ça ne peut pas noyer les infos ? Enfin, expliquez-moi. Je pense que c'était le but, c'était d'avoir le plus d'impact possible. Et justement, en s'associant trois médias indépendants, c'est vrai qu'on a moins tous de force que les gros médias, les médias mainstream. Donc le but, c'était déjà de s'associer et de montrer qu'on faisait un travail ensemble et sur toute une journée, justement, documenter ça, sachant que voilà, il y a une partie sur les médias, une partie un peu sur Patrick Drahi qui a un objectif, c'est toujours d'optimiser tout le temps. Et en fait, tout est lié. On trouvait ça quand même intéressant que ça sorte en même temps et que ce soit quelque chose qui appuie en fait pendant toute une journée sur cet objectif-là. La stratégie du matraquage, parce que vous êtes média indépendant, vous savez gérer un peu les réseaux. Enfin, j'imagine il y a ce truc-là. Oui, il y a ça, bien sûr. Mais il y a aussi le fait que il y avait quand même. C'est le résultat d'un boulot je compte même plus, mais peut-être un mois et demi. Vraiment, on a beaucoup bossé et du coup, il y a beaucoup de contenu et beaucoup de choses à digérer. Donc, si on pouvait tout mettre en ligne en même temps, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que on donne aux gens un chemin de lecture en disant voilà, d'abord ce papier, après celui-ci, après celui-là. Et puis, prenez le temps de bien tout lire au fur et à mesure. Vous avez une heure pour lire le papier, après on vous en donne un autre. Voilà, donc vous racontez une histoire quelque part. On raconte une histoire, clairement. Oui, bien sûr, c'est important. Ah, et pour finir, revenons sur ce que je disais dans mon intro, que vous avez bien écouté en coulisses. ce flot régulier de gate, de leaks, de files, bref, d'affaires et de révélations que beaucoup d'internautes et de Françaises et Françaises disent, si on les écoute, et vous les écoutez, j'imagine, voir passer sans noter de changement notable, évidemment majeur dans la pratique, sorte de fatalisme un petit peu qu'on peut observer comme un mal de notre société, où nous sommes constamment noyés d'informations, pas forcément des révélations, mais d'informations, et dans celle-ci, de révélations, notamment négatives. Est-ce juste de penser alors que ce n'est qu'un scandale qui sera balayé par un autre et que de toute manière, ces milliardaires, Patrick Drahi, s'en fiche un peu quelque part, sont intouchables. Ça, je pense qu'on ne peut pas le savoir. On va voir au fur et à mesure. Après, nous, voilà, c'est vraiment que le début. On va continuer à travailler, on va continuer à documenter ça. Là, c'était une première salve d'articles. Donc, on a sorti 8 articles aujourd'hui. Et là, on repart tout de suite. Quoi. On ne s'arrête pas. Donc, ça va être un travail sur le... Pas forcément sur cette affaire-là, mais on comprend que ça s'insère dans un état d'esprit, dans une époque. On peut voir ça comme ça, c'est sûr. Les gens le pensent, si vous prenez la litanie des révélations on va dire ces 20 dernières années peut-être, avec notamment les grosses révélations de WikiLeaks au début, des choses comme ça. On peut se dire, ah mais oui, mais finalement rien ne change. En revanche, ne rien dire, ne rien faire, ne rien révéler, c'est aussi abandonner et s'assurer qu'il n'y a pas de changement sociétal. Il y a aussi une discussion en fait de société qui doit être menée. Est-ce qu'on est d'accord pour que des groupes comme Altice, qui reposent sur cet endettement monstrueux et qui font quand même remonter énormément d'argent pour des personnes toutes seules, enfin, elles et leur famille, dans des proportions colossales, est-ce que c'est ça qu'on veut comme société? C'est un débat qui doit être posé. Il ne peut être posé que si on écrit et qu'on documente ces choses-là. Si on abandonne, finalement, on recule. Et c'est pas bon pour la démocratie. Quand Patrick Drahi essaye de censurer nos articles, c'est justement une atteinte à la démocratie, parce qu'on est des outils. La presse est un outil démocratique pour que les gens, enfin les citoyens, puissent faire des choix éclairés et après utiliser leurs droits démocratiques en faisant ces choix éclairés. Donc, il faut que la presse soit là et qu'elle traite ces sujets. Et qu'elle fasse son travail, et c'est la bonne tradition hein, pour appeler à soutenir les médias que vous représentez ce soir sur ce plateau. Et vous remercier d'avoir été là tous les deux ce soir en ma compagnie, en notre compagnie. Merci Clara, merci Antoine. Merci. On suivra votre travail, la suite, puisqu'il y aura une suite ces prochaines semaines, prochains mois. Alors je rappelle que tous les articles composant ces Drahi Leaks sont retrouvés à l'identique hein, sur vos 3 sites internet. Bonne soirée à tous les deux. Merci. Bonne soirée. C'est partout le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garotte, on vous étripe au Chili. On a beau me dire qu'en France on peut dormir à l'abri des Pinochet en puissance, travaille aussi du képi. Quand un Pinochet rapplique, c'est toujours en général pour sauver la République, pour sauver l'ordre moral. On sait comment ils opèrent pour transformer les esprits, les citoyens bien pépères en citoyens verts de gris. À coup d'interrogatoire, de carottes et de bâtons, de plongeons dans la baignoire, de gégène et de tison. Il se peut qu'on vous disloque et qu'on vous passe à tabac, qu'on vous suicide en loustoc au fond d'un commissariat. Il se peut qu'on me fusille pour avoir donné du feu, pour avoir joué aux billes avec un petit hébreu. On va t'écraser, punaise, pour avoir donné du pain, pour avoir donné du pèse aux petits nord-africains. Il se pourrait qu'on m'accuse avec un petit gourdin d'avoir étudié Marcuse, d'avoir été sartrien. Ils auront des électrodes, ils diront tu veux du jus pour connaître la période où j'étais au PSU. À moins qu'il me ratatine pour mon immoralité, pour avoir baisé Delphine, pour avoir été pédé. À moins qu'il ne me condamne à mourir écartelé entre l'amour de Roxane et celui du beau Dédé. Il se peut qu'on me douillette pour que je veuille attester. En 1967, je lisais l'Humanité. Il se peut qu'on me tourmente et qu'on me fasse avouer que dans les années 60, j'étais à la CGT. À moins qu'il me guillotine pour avoir osé chanter les marais du Potemkin et les camps de déportés. À moins qu'avec un hachoir, il me coupe les dix doigts pour m'apprendre la guitare comme ils ont fait à Rara. C'est partout le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garrote, on vous étripe au Chili. Il ne faut plus dire qu'en France, on peut dormir à l'abri des Pinochet en puissance, travaille aussi du képi. Travaille aussi du képi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône et on voudrait avoir votre réaction ce matin au scénario de la peur. Les scénarios de la peur, c'est pas pour moi, la France va tenir. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron avec un ton très en colère. Est-ce que il vous a rassuré? Non, d'abord, si le président de la République est en colère, c'est sans doute contre lui-même qu'il doit être en colère et contre son gouvernement. Puisqu'il y a un certain nombre de messages qui sont très contradictoires qui sont envoyés. C'est-à-dire, en même temps, il dit non, il n'y a pas de problème. Et en même temps, il cible celles et ceux qui, selon lui, seraient les responsables de la colère. Et dans le même temps, vous avez des décisions gouvernementales, vous avez des circulaires, vous avez des rendez-vous qui sont organisés par les préfets dans un certain nombre de départements pour organiser la possibilité de ces scénarios de délestage. Donc il faut savoir, soit c'est une hypothèse crédible, soit c'est pas une hypothèse crédible. Bon, moi, il me semble que il y a une impréparation totale, si vous voulez, du gouvernement sur ce sujet qui fait naître des inquiétudes qui sont légitimes et il y a des questions qui sont pas tranchées. Il y a eu cette histoire des patients prioritaires, il y a la question qui est posée des numéros d'urgence, il y a la possibilité, s'il y a des délestages dans certains endroits, qu'on puisse plus avoir accès au réseau téléphonique et aux services d'urgence qu'on peut appeler. Bref, il y a plein de sujets où on se demande quand même pourquoi le gouvernement les a pas. Donc vous considérez que le fait de poser ces questions, ce n'est pas installer une peur ou une manière de gouverner par la peur? Mais non, mais soit ça correspond à une réalité, et dans ce cas-là, il est normal qu'on se prépare, soit ça correspond pas à une réalité, dans ce cas-là, faut pas en parler. Mais si ça correspond à une réalité, il y a un certain nombre de sujets où on se demande pourquoi le gouvernement s'est pas préparé plus tôt. Donc là, voilà, je trouve qu'il y a une communication gouvernementale qui est complètement à côté de la plaque. Pour vous, c'est contradictoire, mais sur le fond, vous feriez quoi? C'est-à-dire que si vous vous retrouvez, vous, aux manettes, alors on peut dire, bah oui, mais c'est parce que ça avait pas été anticipé, tout ça, mais enfin, si demain vous vous retrouvez aux manettes, qu'il y a une dissolution, que vous arrivez au pouvoir, vous faites quoi, vous? D'abord, l'anticipation, c'est quand même pas un petit sujet. Donc, la question qui est posée, c'est quelles sont les politiques de sobriété énergétique et quelles sont les politiques d'efficacité énergétique qui sont mises en place. Je rappelle qu'il y a peu, on a voté à l'Assemblée nationale des amendements pour consacrer 10 milliards d'euros supplémentaires dans la rénovation thermique des logements. Donc, pour faire en sorte qu'il y ait moins de gaspillage d'électricité. Cet amendement a été balayé par le gouvernement. Il y a eu un article 49.3, les amendements avaient été votés majoritairement par l'Assemblée nationale. Ils ont été balayés par Madame Borne. On sait très bien, par exemple, que là, il y a un sujet sur lequel on peut réduire en profondeur la consommation énergétique des logements par des politiques où on rénove, on gaspille moins. C'est un enjeu écologique, ça évite les gaspillages, c'est un enjeu social parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont être confrontés à des factures d'énergie qui vont être exponentielles et qui vont tout simplement pas pouvoir payer. Donc, il y a d'abord un premier sujet, c'est quelle anticipation, quelle politique d'efficacité énergétique. Une fois qu'on a dit ça, j'entends parfaitement, oui. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut quand même faire tourner le pays et on le fait tourner comment? On y répond par des politiques de sobriété, donc par des réductions de consommation, mais là aussi... Mais là, par exemple, quand on apprend aujourd'hui que les Français, depuis un mois, ont baissé de 8% leur consommation, donc ça veut dire que les Français, ils ont fait un effort, ils se sont serré la ceinture. Non mais attendez, les Français, ils sont responsables. Le problème, c'est que c'est toujours le même sujet en matière de sobriété énergétique. Si vous voulez que les gens fassent des efforts, il faut que tout le monde comprenne que ces efforts, ils sont équitablement partagés. C'est-à-dire que on met d'abord... C'est pas le cas aujourd'hui. Bah, clairement, quand vous avez, pour donner un exemple qui peut vous paraître anecdotique, mais quand vous avez des immeubles de bureaux qui restent allumés la nuit, quand vous avez des publicités numériques qu'on voit partout dans les grandes villes qui restent allumées à longueur de journée et même parfois la nuit. Alors, il y a eu une circulaire pour dire qu'entre 1h et 6h du matin, on coupe les panneaux publicitaires. Mais on peut le faire de manière beaucoup plus générale. Après, pour vous, on les coupe tout court? Bah, il me semble que s'il y a une difficulté... On arrête la pub pendant 6 mois? Bah, pourquoi pas? Enfin, écoutez, s'il doit y avoir une difficulté d'approvisionnement énergétique, entre fermer l'école le matin pour que, et empêcher les enfants d'aller à l'école ou couper la publicité, excusez-moi, je préfère couper la publicité. Et les aéroports? Il y a une membre de votre groupe qui était à mon micro hier. Pas de notre groupe, c'est... De votre groupe élargi, membre de la NUPES, Aurore Berger. Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, merci Aurore, vous êtes là. Suis. Manuel Montpart, vous suivez. Sandrine Rousseau qui dit, on devrait éteindre les aéroports. Est-ce que ça vous fait, j'ai pas très bien compris la proposition. C'est quoi? C'est éteindre la lumière? C'est empêcher les aéroports de fonctionner? Ça, honnêtement, j'ai pas très très bien compris la proposition. Mais en tout cas, moi, je suis pas hostile à l'idée de dire qu'il y a des consommations qui sont indispensables à la vie quotidienne et ça doit être celles qui sont priorisées. En fait, on revient à la question de qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui l'est pas. Exactement. Si vous êtes dans une zone industrielle, qu'il y a des enseignes de vêtements, par exemple, et des enseignes alimentaires, vous laissez allumer les enseignes alimentaires, vous éteignez les enseignes de vêtements? Bah, je sais pas si c'est cet exemple-là qu'il faut prendre, mais je pense que c'est une question philosophique. La chaussure, non. Leclerc, oui. Mais si vous voulez des politiques d'effort, de sobriété, pour que ces politiques de sobriété soient suivies, les gens doivent pas avoir l'impression que c'est à eux qu'on demande de faire les efforts et à ceux qui ont les moyens de pas en faire. Parce que sinon, les gens, ils comprennent pas. Donc, il y a des politiques qui doivent être justes. Vous pouvez pas dire les écoles, pour reprendre cet exemple, on va les fermer, mais par contre, les stations de ski, il n'y a pas de problème. Parce que sinon, les gens se disent « Bon, ben moi, dans ma vie quotidienne, je suis impacté, mais celles et ceux qui utilisent, qui sont dans une utilisation de loisirs, eux, on leur demande pas de faire des efforts. » Manuel Montpart, vous êtes élu à Marseille, mais oui. Vous êtes représentant de tous les Français. Le pass Navigo en Ile-de-France qui va augmenter de 12%. Il va passer de 75 à 84 euros et encore 84,10. C'est acceptable, c'est supportable? Non, clairement pas. Et si on fait le lien avec le débat qu'on venait d'avoir juste précédemment, ça concerne pas peut-être l'électricité directement, mais si vous voulez avoir des politiques de réduction de sobriété énergétique, ça passe notamment par le fait de développer les transports en commun au détriment de l'utilisation de la voiture individuelle. Et donc, vous pouvez pas avoir dans le même temps des signaux qui sont contradictoires avec le fait que prendre les transports en commun, ça va être beaucoup plus cher. Donc là, il y a une responsabilité partagée de la région Île-de-France en l'occurrence et du gouvernement. La région Île-de-France renvoie la balle au gouvernement en disant on n'arrive pas à financer la politique de transport. Le gouvernement dit c'est pas notre responsabilité, il faut que les deux se mettent autour de la table et qu'ils débloquent des financements supplémentaires qui permettent que le pass Navigo n'augmente pas de manière extrêmement rapide. Il y a une situation catastrophique des transports en commun en Ile-de-France, c'est le cas partout, mais en particulier en Ile-de-France, le tarif, mais aussi les rames qui sont totalement bondées. Un mot quand même sur la niche parlementaire, on a compris désormais ce que c'était les niches parlementaires. Il y avait la vôtre il y a une dizaine de jours, vous aviez mis la corrida, vous aviez mis la réhabilitation des soignants non vaccinés, et là il y a le RN qui vous offre sur un plateau la possibilité de faire passer votre loi, puisque dans la niche parlementaire du Rassemblement National, ils vous donnent la parole, ils vous donnent un moment de leur temps pour que vous puissiez défendre votre position sur les soignants non vaccinés. Vous allez accepter cette main tendue du RN? On va en discuter, mais d'abord, excusez-moi, la présentation des faits, c'est pas tout à fait ça. Le Rassemblement National a pris la décision tout seul dans son coin de dire qu'il voulait reprendre le texte qu'on avait mis dans notre niche parlementaire. C'est-à-dire votre texte. Ils nous ont pas demandé notre avis. C'est eux qui ont décidé tout seul. Donc expliquer qu'il y aurait un accord entre le Rassemblement National. J'ai pas dit qu'il y avait un accord. C'est pas ce que vous avez dit. Mais ils vous ont. Oui, mais il y a mis sur un plateau votre loi. Il y a certains de vos collègues qui ont dit ça. C'est pourquoi j'en profite pour le préciser. Premièrement, deuxièmement, ce n'est pas un accord, mais c'est un baiser de la mort. Non, mais attendez, ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune possibilité que ce texte soit adopté dans la niche du Rassemblement National pour une très bonne raison, c'est qu'ils ont repris le texte en l'état. Or, le gouvernement y avait déposé plus de 300 amendements. En moyenne, à l'Assemblée nationale, on considère qu'on examine 20 amendements par heure. Mais bien sûr, donc il est totalement impossible. Il faudrait 15 heures d'examen de ce texte pour qu'il puisse être adopté. Donc, le sujet n'est pas là. Donc, maintenant, nous... Mais vous défendrez quand même votre texte? Non, je ne sais pas. Pendant le temps de la niche parlementaire RN? Je vais être très précis. Je vais vous dire les choses précisément. Je souhaite que le plus rapidement possible, la France décide de réintégrer les soignants suspendus. Tout le monde le fait en Europe. Il reste plus que la Grèce et la France qui le font pas. L'Italie va le faire, l'Allemagne va le faire, tous les autres pays sont en train de le faire. Donc maintenant, je cherche quelle est la meilleure opportunité pour que ce texte soit voté. Et ça ne passera pas par la niche du Rassemblement National. C'est une évidence pour les raisons que je vous ai indiquées à l'instant. Comme cul et chemise, comme la ronce en foire. J'ai vu se constituer tant d'associations, mais il n'en reste qu'une au travers de l'histoire qui a su nous donner toute satisfaction. Le sabre et le goupillon, l'un brandissant le glaive et l'autre le ciboire, les peuples n'avaient plus à se poser de questions. Et quand ils s'en posaient, c'était déjà trop tard. On se sert aussi bien pour tondre le mouton du sabre que du goupillon. Quand un abbé de cour poussait une bergère vers des chemins tremblants d'ardentes déraisons, la belle ne savait pas, quand elle se laissait faire, qu'il condamnait l'usage de la contraception, le sabre et le goupillon. Et maintes éminences, et maint beau capitaine, reposait le guerrier de la même façon dans le salon chinois où Madame Germaine, grâce à ses pensionnaires, réalisait l'union du sabre et du goupillon. C'était le temps rêvé de tous les militaires. On leur offrait des guerres et des expéditions. Que de manants joyeux sont partis chez Saint-Pierre, le cœur plein de mitraille et de bénédictions, du sabre et du goupillon. Quand ils s'en revenaient et d'Asie et d'Afrique, ils faisaient régner l'ordre au sein de la nation. Les uns possédaient l'art d'utiliser la trique, les autres sans le dire pensaient qu'elle a du bon, le sabre et le goupillon. On ne sait plus aujourd'hui à qui faire la guerre, ça brise le moral de la génération. C'est pourquoi les crédits que la paix nous libère, il est juste qu'ils aillent comme consolation au sabre et au goupillon. L'un jouant du clairon, l'autre de l'harmonium, ils instruiront ainsi selon la tradition des craquants sans brémeuse, les forts en tédéum, qui nous donneront encore bien des satisfactions, le sabre et le goupillon. Bonjour Madame Aubry. Bonjour. Vous êtes donc depuis hier la plus jeune présidente de groupe de l'histoire du Parlement européen, c'est ainsi que c'est annoncé. Vous allez en effet co-présider le groupe de la gauche unitaire européenne, c'est un motif de fierté pour vous ? C'est pas un motif de fierté personnelle, c'est plutôt un motif de motivation. Je pense, et au vu de ma petite expérience d'un mois au Parlement européen, que le Parlement a bien besoin d'être dépoussiéré, dynamisé, et en tout cas c'est avec cette envie que je vais porter ce mandat, aussi au nom de toute la délégation France Insoumise, dont le travail en un mois a pu parvenir à ce résultat. Et puis de se dire qu'on est président d'un groupe au Parlement européen, pour discuter avec les autres groupes, etc., mais aussi à l'extérieur du Parlement européen. Et c'est mon objectif de porter une voix forte pour la gauche européenne contre les politiques qui sont menées dans l'Union européenne, avec notamment l'élection de la nouvelle présidente de la Commission européenne qui poursuit le tout libre-échange, le tout marché. Et cette voix, je crois qu'il faut la porter aussi en dehors du Parlement européen, aux côtés des mobilisations sociales, ceux qui se mobilisent par exemple contre les traités de libre-échange cette semaine. Et voilà, j'espère être en capacité de porter cette voix dans les prochaines années. On va parler de tout ça, et notamment de la présidente mais de la Commission, mais vous avez dit dépoussiérer et redynamiser. Donc, si je comprends bien, le Parlement européen, avec, comme vous l'avez dit vous-même, votre petite expérience d'un mois, il vous fait l'impression d'être une institution un peu ramollo et un peu poussiéreuse. Un peu sclérosée, oui. On a le sentiment, quand on arrive là, et bon, c'est un sentiment partagé avec mes collègues dont c'est le nouveau mandat, enfin, donc, qui arrive pour la première fois, de se dire qu'en fait, il y a des murs immenses entre le Parlement européen et les citoyens, et qu'on nous enferme dans une espèce de vie parallèle. Moi, j'ai vraiment eu ce sentiment en un mois au Parlement européen. Et donc, l'objectif, c'est de rappeler, ramener la vraie vie des gens. Vous pensez que c'est intentionnel, cette façon de vous enfermer enfermé dans une sorte de vase clos. Peut-être oui, c'est peut-être la manière de faire de la politique au Parlement européen qui enferme. Vous êtes vous travaillez sur des projets de directives avec des pouvoirs qui sont malheureusement trop limités pour des parlementaires européens, mais finalement on vous laisse très peu d'espace et très peu de connexion avec la vraie vie. Je crois que c'est un défi pour nous et c'est ça qu'il faudra que l'on démontre au cours des prochaines années, parce que sinon ça produit des élus qui sont complètement déconnectés de la réalité. On en voit plein au Parlement européen. Vous avez évoqué la présidente de la Commission, donc l'Allemande, l'ancienne ministre maintenant allemande de la Défense, Ursula von der Leyen. Vous attendez donc avec elle à une présidence ultralibérale, c'est ça que vous dites ? Oui, vous savez, on l'a reçue en audition dans notre groupe, et puis elle s'est exprimée cette semaine dans l'hémicycle du Parlement européen. Alors on a vu qu'en une semaine, elle a utilisé des mots beaucoup plus forts sur les questions climat, par exemple, parce qu'elle essayait de trouver une majorité qui était très faible, hein, d'ailleurs. Hein, elle a été soutenue à 9 voix près. Ça s'est jamais vu, ça aussi, dans l'histoire du Parlement européen. Mais dès qu'on creuse sur les propositions qu'elle fait, sur les questions climatiques, par exemple, sa réponse, c'est le tout marché, un marché carbone. Donc on continue à payer son droit à polluer. Aucun mot sur les traités de libre-échange, qui est quand même un enjeu majeur de continuer ce grand déménagement du monde, ou sur les questions d'évasion fiscale, pour prendre un dernier exemple. Là aussi, elle dit qu'il faut que les entreprises payent leur juste part d'impôts. Très bien, on est d'accord. Pas un mot sur les paradis fiscaux européens, comme le Luxembourg et l'Irlande, qui pillent nos recettes fiscales. Donc oui, je crains qu'aujourd'hui, il y a une coalition, une nouvelle coalition libérale qui se dessine pour la soutenir. D'ailleurs, elle a été aussi élue, ça, il faut l'avoir en tête, avec les voix de l'extrême droite polonaise, du PiS polonais. Et donc, ces 9 voix près, si l'extrême droite n'avait pas voté pour elle, eh bien, elle n'aurait pas été élue aujourd'hui à la tête de la Commission européenne. Ça aussi, il faudra s'en souvenir. Vous parlez des traités de libre-échange. Dans le communiqué de votre formation, hier, vous indiquez que l'eurodéputé Emmanuel Morel sera chargé de, je cite, un ferrailler contre le libre-échange. Le premier combat que vous avez l'intention de mener, c'est celui contre le Mercosur. Enfin, oui, contre le traité de libre-échange le Mercosur. Oui, c'est un des enjeux majeurs. Malheureusement, vous savez, le traité de libre-échange avec le Mercosur n'est pas le seul traité de libre-échange que Emmanuel, qui est en effet présent dans la commission qui traite de ces affaires-là, qui s'appelle INTA au Parlement européen. Il y a plus d'une douzaine de traités de libre-échange qui sont actuellement sur la table du Parlement européen. Et donc, le Parlement continue ce dogme d'abaisser les barrières douanières aux portes de l'Union européenne pour faire venir des produits, des marchandises de l'autre bout de la planète, comme du vin d'Argentine, comme du lait de Nouvelle-Zélande. Mais ça n'a aucun sens alors qu'on en produit ici en Europe. Et donc, à cause de cela, le trafic de marchandises sur des cargos a été multiplié par 3 en 25 ans. Et c'est autant de pollution qui se déroule sur l'ensemble de la planète et sur les mers du monde. Et à l'heure où on va vivre peut-être un nouvel épisode de canicule, et à l'heure où le Parlement, l'Assemblée nationale doit ratifier l'accord de libre-échange avec le Canada, le CETA, il serait plus que jamais temps de se poser la question de la cohérence de notre politique commerciale avec les enjeux climatiques. Sur le CETA, justement, le vote devait avoir lieu hier à l'Assemblée nationale. Les débats ont été très mouvementés. Une motion de rejet a même été finalement rejetée précisément, mais avec assez peu de voix. Est-ce que vous espérez aujourd'hui que peut-être la majorité se fissure mardi prochain, lors du vote solennel cette fois ? Oui, vous savez, j'en appelle aux députés de la majorité. Et je veux leur dire, on a des désaccords sur beaucoup de choses. Mais qui, aujourd'hui, peut défendre cet accord de libre-échange avec le Canada ? C'est un accord qui est climaticide. On va importer aussi du sable bitumineux. On va continuer, en fait, ce grand déménagement du monde dont je parlais, et importer des produits qui sont extrêmement graves aussi pour la santé. Et donc, à ces députés de la majorité, je veux leur dire, pensez à vos enfants. Pensez à tous les engagements et toutes les paroles que vous avez pu avoir sur les questions climatiques. Et aujourd'hui, soyez un peu dignes de ces paroles et rejetez cet accord de libre-échange. Montrez que vous avez encore un peu de dignité, un peu d'engagement, un peu de parole. Soyez peut-être un peu insoumis pour une fois. Je crois que c'est un peu comme la privatisation d'aéroports de Paris. Personne ne peut défendre ça aujourd'hui. Alors allez-y pour une fois, émancipez-vous de la majorité et d'Emmanuel Macron et montrez que vous pouvez être fier du mandat qui est le vôtre. Le haut commissaire chargé des retraites a remis son rapport hier. C'est ce travail qui devrait servir de base à la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron, qui doit aboutir à un système universel. L'idée de ce système unique dans lequel chaque euro cotisé rapporterait la même chose à tout le monde, est-ce que ça, sur le principe, vous trouvez que c'est précisément un principe de justice ? C'est absolument pas un principe de justice, puisque nous n'avons aujourd'hui pas les mêmes carrières professionnelles. Nous n'avons pas la même espérance de vie selon que vous soyez cadre supérieur ou ouvrier, selon que vous travaillez dans le bâtiment ou que vous soyez journaliste ici ou même élu parlementaire. Donc il faut tenir compte de ces inégalités-là. Et le gros problème, en fait, de cette réforme des retraites, il est assez simple. C'est que d'ici 2050, il y aura 37% de plus de retraités. Et donc, concrètement, si on veut aujourd'hui pouvoir financer le système de retraite, alors il faut augmenter la taille du gâteau. Sinon, mécaniquement, alors vous faites baisser le niveau des retraites. Et aujourd'hui, on part d'un âge de départ à la retraite repoussé à 64 ans, mais en réalité, pour toucher du taux plein, Ça ne veut rien dire, en fait, le taux plein, parce que en réalité, pour toucher un niveau de retraite digne, ce sera peut-être 65 ans, 66 ans. Et ça, aujourd'hui, c'est un énorme recul et même une remise en cause très grave de notre système de protection sociale. Il y a une avancée pour les femmes, la majoration dès le premier enfant, ça c'est un point que vous saluez, j'imagine. La majoration dès le premier enfant, certes, mais moi j'ai envie de penser à toutes ces femmes, par exemple, dont la carrière est interrompue au fur et à mesure de l'ensemble de leur carrière. Ouais. À l'heure actuelle, dans le système de retraite, on prend les 25 dernières années pour calculer votre retraite. Maintenant, on va prendre votre carrière entière, et ça va désavantager les femmes en priorité. Merci Manon Aubry. Merci. Bonne vous. Journée. De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette terre de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo, tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construit ici de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres d'Éluard s'envolent des colombes, ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui fait toujours vos crimes, vos erreurs, sans l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle, qu'elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles. Ma France. Bonjour, c'est la 164e revue de la semaine. Normalement, on fait la pause après, mais c'est pas sûr, il y a toujours quelque chose qui fait que ça redémarre. Alors, faisons comme si, et en avant, c'est le générique. Alors, je vais vous parler de la COP15 sur la biodiversité. Vous savez pas que ça existe, peut-être, vous en avez entendu parler, mais il y a une réunion internationale sous l'égide de l'ONU, elle a lieu à Montréal, et elle est sous la présidence des Chinois, et elle va traiter de la manière de protéger la biodiversité planétaire. La biodiversité, c'est tout ce qui est vivant, animaux, plantes, voilà, qui est mis en cause. Alors, pourquoi c'est mis en cause? Ben oui, nous sommes là, en ce moment, dans la 6e extinction de masse de la biodiversité. Si on dit 6e, ça veut dire qu'il y en a eu 5 avant. Les 5, elles ont eu lieu dans le temps très profond, et souvent avant même qu'il y ait des êtres humains, et ça a débouché sur l'extinction de, des fois, la quasi-totalité des animaux vivants à ces périodes. Qu'il y a eu un grand événement climatique, ou bien un météorite qui tombait sur la planète et perturbait absolument toutes les fonctions vitales et climatiques de la planète. Bref, il y en a eu 5 avant. Mais depuis qu'on observe, on en avait jamais vu une nouvelle vague d'extinction de la biodiversité comme celle dans laquelle nous vivons. Pour ma part, je l'ai découvert en lisant, il y a quelques années, le livre de Elisabeth Colbert, qui s'appelle « La 6e extinction de masse », la biodiversité. Nous sommes là-dedans, il y a une réaction internationale, la preuve, ça fait 15 fois qu'on se réunit pour prendre des mesures, et à nouveau, nous voici réunis pour ça. Je ne vais pas commencer par dire « ça servira à rien », il ne va rien se passer, quoique, bon, je ne vais pas vous cacher que je suis pas très optimiste, notamment après avoir vu la dernière COP sur le climat, où il y a eu beaucoup de bruit, et puis pour finir, les décisions à la fin, c'est quasiment rien. Donc on a le sentiment que l'humanité s'avance vers les conditions les plus catastrophiques de destruction de l'écosystème dans lequel elle peut vivre, sans que vraiment ça provoque des réactions au niveau auquel elle devrait se trouver aujourd'hui pour faire face aux événements. Mon message, il sera concentré sur une question. Cela n'est pas lié à la bonne ou mauvaise volonté des êtres humains. C'est pas une question de caractère, de gentillesse ou pas des humains. Bien sûr, il y a des gens détestables qui se fichent absolument de la beauté de la nature, pour qui le vivant, ça les laisse absolument indifférents. Et puis, il y a des gens qui sont contraints de se comporter, ou ils le pensent, d'une manière irresponsable. Moi, je pense qu'on n'est jamais contraint de se comporter d'une manière irresponsable, mais il y a des gens qui disent, vous comprenez, nous, on est trop pauvres, donc on prend seulement ce que on peut prendre. Et si c'est des espèces et qu'on peut les vendre parce que il y en a plus beaucoup, on le fait parce que c'est une question de survie. Je pense que naturellement, ils peuvent agir, ils peuvent se comporter autrement. Et je sais que cette réalité-là, elle existe. Mais c'est pas elle qui détermine l'extinction des espèces. Ce qui détermine l'extinction des espèces, c'est un système économique qui a déjà produit un changement climatique tel qu'un certain nombre d'espèces disparaissent à cause de ce changement climatique. C'est toutes les espèces qui peuvent pas s'en aller d'un milieu naturel. On appelle ça un biotope. Nous, les êtres humains, les rats, les cafards, on arrive à se développer partout. Mais il y a des tas d'espèces, non. C'est juste à un endroit, dans certaines conditions, de plantes, d'air, de proximité de la mer, que sais-je, qu'ils peuvent vivre. Et si, pour une raison ou pour une autre, et notamment une raison climatique, c'est rendu impossible, ils disparaissent. Point. Et c'est vrai comme ça pour un certain nombre d'entre elles. Alors, qui est-ce qui a créé ces conditions? Je pense qu'il est temps aussi que on arrête les discours creux sur le sujet, ou vagues, où il faudrait faire preuve de bonne volonté. Non, c'est un système économique bien précis qui fait ça. Et c'est le système capitaliste. Pourquoi? Parce que c'est pas un complot de sa part. C'est qu'il sait rien faire d'autre que tout transformer en profit, et pour que ça fonctionne, pour que ça tourne, il faut qu'il en fasse. Donc tout doit être marchandisé pour lui. Et en particulier, la nature, et en particulier le vivant lui-même. Il y a des gens qui parlent à propos de certaines espèces qu'on élève pour les manger ou pour autre chose, ils parlent de minerais. Alors par exemple, à un moment donné, quand il y avait eu le scandale sur les raviolis à la viande de cheval, alors le scandale c'était qu'il n'était pas indiqué que c'est de la viande de cheval, mais certains producteurs appelaient ça le minerai. Et ça continue d'ailleurs à être appelé minerai dans un certain nombre de cas. Bien, c'est un système qui provoque ça. Et comment? Et vous voyez son caractère global. Il couvre toute la planète. Pourquoi? Parce qu'il installe les unités de production partout où ça lui coûte le moins cher, c'est-à-dire notamment le moins cher socialement, mais aussi là où ça lui coûte le moins cher, du point de vue de la destruction de l'environnement qu'il ne doit pas reconstituer. Dans les pays européens, il y a un certain nombre de réglementations, et comment les grandes firmes font face à la réglementation, mais souvent dans les pays où il n'y a pas de réglementation. Et souvent, ce sont des pays qui sont hors d'état de se défendre. Et donc, non seulement les firmes transnationales prennent tout ce qu'elles peuvent aux conditions qui les intéressent, elles, c'est-à-dire petit prix, et personne ne se mêle de mettre des amendes ou d'avoir des exigences et des normes de protection de l'environnement. Voilà comment les deux questions sont liées. Hein. C'est toujours la même chose. Il s'agit de produire dans des conditions qui coûtent le moins cher à la production pour pouvoir le vendre le moins cher et en accumuler comme ça, sans arrêt, faire circuler de plus en plus vite l'argent et la marchandise pour que le capital s'accumule. Ce que je suis en train de vous décrire, c'est le fonctionnement d'un système économique. Ça se passe comme ça, et puis ça se passe aussi comme un énorme transfert des dégâts écologiques sur les pays qui ne sont pas protégés. Et ça, c'est, il faut que vous en rendiez compte, des milliers de milliards de tonnes de matières premières. Et dans les matières premières, ils comptent aussi bien le vivant que le minéral et le reste. Et évidemment, ça s'abat sur certains pays, donc on peut dire, et ça les pousse à toujours plus le faire, on peut donc parler d'un échange écologique inégal qui se fait comme un rapport de domination des uns sur les autres. Par conséquent, je pense qu'on ne peut pas dissocier dans la bataille que nous engageons la compréhension du mécanisme qui est à l'œuvre, et aussi de ce qui se passe dans la tête des gens. Parce que, par exemple, considérer que le vivant, ben, c'est comme le reste, c'est comme des pierres, c'est comme un objet fabriqué, une boîte de sucre, ce que vous voulez, c'est-à-dire que tout peut être séparé, isolé, compté, trié, et se met à circuler comme une marchandise. Quand je suis allé au dépôt Géodis l'autre jour, les travailleurs m'ont parlé des colis qui chargeaient. Ils me disent, ben, tu sais, dedans, il y a des fois des colis, c'est des animaux vivants qui sont là, et nous, on n'est pas en état de les traiter comme on devrait les traiter, c'est-à-dire au moins pour protéger leur vie. Donc, dans certains cas, ils sont écrabouillés. Dans d'autres cas, ils sont extrêmement maltraités, mais pas de la faute des travailleurs. Des conditions dans lesquelles se déroule leur transfert. Par exemple, le transfert des animaux vivants dans l'Union européenne, la limite maximum de transfert, c'est 29 heures. Vous imaginez ce que c'est 29 heures. Imaginez que vous faites, vous, un trajet de 29 heures sans descendre du véhicule. Eh bien, imaginez-vous que c'est ce qui a été décidé pour les animaux. Inutile de vous dire que quand on est à la 30e heure, à la 31e, à la 32e ou à la 33e, peut-être que, vu qu'on en a déjà fait 29 dans ces conditions, 3 de plus c'est rien, bah essayez-vous 3 heures de plus sans arrêter la voiture. Donc vous voyez, les conditions dans lesquelles on traite le vivant, eh ben ça crée une habitude, ça crée une manière d'être, ça crée un regard, et au fond ça banalise l'idée que tout est marchandise, tout peut devenir une marchandise. Tout peut être échangé et vendu. Et ça, ça fait partie des dégâts du capitalisme. C'est un dégât moral, c'est un dégât culturel, c'est une blessure, parce que vous n'en voyez pas l'effet tout de suite, mais qui contamine d'un venin qui pourrit les esprits et qui se répand dans toute la société. L'autre jour, j'étais à une manifestation à propos du broyage des poussins vivants avec L214. Bon, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Cette association nous faisait venir, pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui a été votée qui dit que c'est interdit de broyer les poussins vivants. Vous vous rendez compte que les poussins vivants, c'est 50 millions de poussins qui sont broyés chaque année. Donc on se disait, la loi a été votée, moi j'étais intervenu à la tribune de l'Assemblée sur le sujet, et on m'avait dit, ah, oh, vous exagérez tout le temps, de toute façon maintenant, on arrête en 2023. Moi j'avais dit, il faut arrêter tout de suite. Bon, ben, maintenant que les décrets sont en préparation, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on arrête le broyage des poussins vivants, sauf exception. Et quelle peut être l'exception? Ben, c'est quand broyer un poussin vivant, ça sert à fabriquer de la nourriture pour d'autres animaux. Vous vous rappelez des vaches qu'on nourrissait avec les farines animales, peut-être que vous en avez entendu parler, ça a fini par déclencher une épidémie terrible, hein. On appelait ça la vache folle. Hein. Eh bien, c'était pas la vache qui était folle, c'est les êtres humains qui avaient organisé un truc pareil, de transformer un herbivore en carnivore. Donc cette idée que le vivant est à notre disposition, du moment qu'il n'est pas humain, des fois aussi quand il est humain, c'est une idée qui vient d'un modèle économique, qui vient d'une façon de regarder la nature et les êtres humains. Je voulais vous le dire parce que sinon, c'est une arnaque de trimballer l'opinion d'une COP à une autre en faisant croire qu'on va finir par tout arranger sans jamais mettre en cause l'essentiel de ce qui est en cause. Maintenant, je parle du sujet de la présence de l'extrême droite, de cette extrême droite qu'on voit intervenir violemment ici et là dans tout le pays de manière de plus en plus évidente et décomplexée. Alors, je sais bien que tout ça ne surgit pas du vide, ça fait un moment que ça mûrit, ça fait un moment que c'est encouragé, ça fait un moment que la banalisation du discours politique de l'extrême droite a permis que, eh ben, ils aillent toujours plus loin et que certains secteurs de cette extrême droite se radicalisent. Il faut tenir compte aussi du prix que coûte le fait de désigner sans arrêt les mêmes comme cible à la vindicte populaire. Je pense à tous ces médias qui sans arrêt, montre du doigt la France insoumise. Le résultat, c'est évidemment que Nous sommes maintenant parmi les premiers visés. J'ai vu qu'il y avait un journal qui avait présenté, d'ailleurs, d'une manière extrêmement tendancieuse à son habitude, en disant « bah c'est depuis qu'il y a la France insoumise, alors ça a réexcité l'extrême droite, hein, sinon vous viviez plus tranquille avant, hein, bien sûr ». Donc je réagis comme ça parce que ça m'a assez dégoûté de voir une chose pareille. C'est que même ça, on va nous reprocher d'être victimes de l'extrême droite. Nous n'avons pas un tempérament de gens qui se victimisent, hein. Nous sommes plutôt des gens qui avons l'habitude de faire face aux difficultés. Là, nous en avons une qui est majeure. En effet, nous sommes maintenant sans arrêt attaqués. Et il y a eu des franchissements de seuil. À Lyon, nos camarades ont été sévèrement frappés. Il y a eu passage à l'hôpital, une de nos camarades a été bien bousculée. Alors bon, c'est vrai que à 69 ans, on est peut-être un peu plus facile à jeter par terre et à tabasser qu'à 20, et c'est pourtant ce qui s'est passé. Mais il y a eu, parmi tous les événements, je ne vais pas en faire toute la liste, il y a eu un franchissement de seuil qui s'est déroulé à Bordeaux, puisque là, on avait une réunion dans une fac, si mes informations sont bonnes, tranquille, hein, avec deux députés. Alors c'est M. Carlos Martins Biongo, que vous connaissez, puisqu'un député l'a dit retourne en Afrique, et puis c'était Louis Boyard, dont vous vous souvenez qu'il a été assez grossièrement insulté par Hanouna. Alors à partir de là, si vous voulez, quand deux personnes sont traitées de cette manière, nonobstant leur statut de député, donc minimum de respect qu'on leur doit, de représentants du peuple, hein, ces gens-là, ils n'arrêtent pas de nous dire qu'il faut respecter ceci, cela, les uniformes, je ne sais pas quoi encore, hein, mais quand c'est des députés, là, c'est terminé, on ne respecte plus rien. Et en effet, ce sont des barbares et des sauvages. On les a vus venir cette fois-ci, et voilà qui est nouveau, c'est qu'ils sont venus avec des armes, des bâtons, des choses comme ça, barres de fer, armes blanches, d'après ce que j'ai lu, dans la presse. Évidemment, heureusement qu'il y avait un service d'ordre à la porte qui a fait preuve d'un sang-froid magnifique. Il y a eu des coups de données, des coups de reçus, et nos amis ont reçu des coups. Mais le plus étrange, c'était qu'il y avait là des policiers qui sont venus assez rapidement, une petite demi-heure après qu'on les ait appelés. Et bon, heureusement, grâce à l'intervention du préfet, il y a eu l'intervention de la police. L'intervention de la police a consisté par le fait qu'ils s'avancent et les autres ont parti. Bon, il n'y a eu aucun relevé d'identité. Par conséquent, le message est très sérieux, hein, que nous venons de recevoir. Et c'est la raison pour laquelle, pour ma part, je plaide pour que nous soyons capables d'organiser nous-mêmes la propre tranquillité de nos réunions et la maîtrise avec sang-froid de ce qui se passe autour de ces réunions. Il ne s'agit pas non plus d'aller se mettre à je ne sais quelle série de batailles rangées avec les groupuscules, mais quand même de prendre quelques précautions, il faut les prendre. Et les insoumis sont en train de prendre des mesures de contact avec des groupements et associations antifascistes pour qu'ensemble, on puisse mettre au point nos façons de répondre. Mais principalement, je vais vous dire, c'est préoccupant une situation comme ça, parce que quand des braves gens sont obligés de se dire « bon, on va s'en occuper nous-mêmes », c'est que quelque chose ne va plus. Et moi, je n'aime pas que le domaine de la sécurité, de la tranquillité publique, soit mis en cause sans qu'il y ait une réaction extrêmement ferme. Or, les réactions extrêmement fermes, c'est en général pour montrer du doigt telle religion, tel groupe ethnique, tel parti politique de gauche. C'est jamais pour tenir compte des vrais fauteurs d'histoire. Et quels sont ces fauteurs ? Ben, d'une part, c'est les terroristes qu'il faut pourchasser et poursuivre partout où on le peut, et deuxièmement, ce sont les bandes d'extrême droite, parce qu'aujourd'hui, ce sont les menaces qui pèsent sur l'ordre public. Et le service du renseignement intérieur, lui, met au top niveau le risque qui résulte de l'extrême droite et des réactions en chaîne qu'elle va chercher à provoquer. Je demande aussi qu'on fasse un peu plus attention dans la manière avec laquelle on en parle, et qu'on n'ait pas toujours pour souci de dire du mal des insoumis, que peut-être des fois aussi, on se soucie d'autre chose que de régler ses pauvres petits comptes personnels, qu'on regarde que la France est aujourd'hui l'objet d'un défi pour sa démocratie, pour sa manière de vivre par des gens qui pourtant ne cessent d'avoir comme mot à la bouche la tradition et le reste. Ne croyez pas que ce soit juste seulement les visages que vous voyez, ceux-là, ce sont les jeunes imbéciles, ça compte pas vraiment, sauf s'ils font n'importe quoi. Mais regardez, nous avons déjà eu en France une menace de complot qui a donné lieu à l'arrestation de toute une série de membres d'une organisation, ils étaient 300 là-dedans, ça s'appelait Conseil National de Transition de France. Et ils avaient projeté d'assassiner le président de la République, Monsieur Emmanuel Macron. Rappelez-vous aussi que vous avez eu une tribune qui est parue dans le journal Valeurs Actuelles, qui était une tribune dans laquelle il y avait que des anciens militaires qui appelaient avec se drapant dans la dignité. Il y avait cette phrase dans leur texte : « Si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'active dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national, blablabla. En bon français, c'est quand même une menace, hein. Et surtout, ça s'adressait aux militaires d'active qui, heureusement, ne s'occupent pas de ce genre de déclaration. Il y avait eu d'ailleurs des sanctions à l'époque et des prises de position très fermes de l'état-major des armées pour dire « ça, c'est pas acceptable ». Donc, de ce point de vue, c'est pas là que se trouve la crainte, hein. C'est plutôt de voir se laisser aller, c'est plutôt de voir que des gens peuvent venir en face d'une réunion avec des armes et qu'il n'y ait aucun contrôle de police dessus sur les gens qui s'en vont. Et qu'à la fin, heureusement qu'une association antifasciste a identifié chacun des participants à cette attaque, de manière à ce qu'on puisse savoir au moins qui c'est, comment il s'appelle, et qu'éventuellement quelqu'un fasse quelque chose. Je veux dire que les pouvoirs publics se préoccupent de faire quelque chose, en tout cas, je le souhaite de toutes mes forces. Mais ce que je vous raconte là, c'est aussi ce qui s'est passé en Allemagne. On avait dit, oh ben leur truc, là, l'extrême droite allemande, bon, de toute façon, d'accord, ils ont de l'influence, mais c'est résiduel. D'accord, mais ils ont quand même essayé de faire une tentative de coup d'État. Et il y a eu des arrestations en très grand nombre, et la démocratie allemande a été capable de se défendre avec fermeté et sans état d'âme, en quelque sorte, devant la menace qui se dessinait. Donc moi, je pense que nous devons prendre très au sérieux cette menace-là, parce qu'elle est réelle. C'est pas le cinéma que se font certains sur les insoumis. Les insoumis n'ont jamais frappé personne, ni fait des scènes de cette nature. Ce n'est pas notre manière. Mais là, nous sommes dans une situation où, si vous laissez faire, si vous laissez toutes les réunions insoumises être pourries par des interventions d'extrême droite, soit des tacles sur tous les murs, intimider les gens qui nous louent leurs locaux pour qu'on fasse notre présence, ou alors ça porte aussi maintenant sur des pièces de théâtre, sur des choses de cette nature, eh ben on sera plus dans un autre contexte que celui qui était celui des années 30, où précisément les groupes fascistes passaient leur temps à ça, à intimider, faire peur, essayer d'empêcher l'auto-organisation. Et c'est ce que nous allons faire, faute de mieux, je le dis encore une fois, hélas. Autre sujet, c'est le scandale qui a éclaté au Parlement européen, avec la découverte du fait que des élus du Parlement européen avaient été corrompus par le Qatar pour voter d'une manière favorable à ce pays à propos des droits de l'homme et des conditions dans lesquelles se déroule la Coupe du Monde de foot. D'abord, hein, faisons bien attention, ce n'est pas parce qu'il y a des corrompus que le Parlement est corrompu. Ça, c'est la facilité de langage, même pour des gens qui sont dans un rapport extrêmement critique à l'Europe, telle qu'elle est aujourd'hui, moi je ne serais pas d'accord pour qu'on fasse ce genre de généralisation. Deuxièmement, c'est vrai que les personnes corrompues ont convaincu leur groupe de voter au profit des corrupteurs. Mais ça ne veut pas dire que tous les membres de leur groupe, c'est-à-dire en l'occurrence le groupe de droite et le groupe socialiste, et en particulier c'est vrai pour les socialistes français qui sont à mettre en dehors de ce jeu-là, ce n'est pas vrai que ces groupes en entier agissaient parce que le Qatar avait payé, hein. C'est donc bien sous une influence assez malicieuse, bien organisée, qu'ils votaient. Mais ça débouche quand même sur des résultats tout à fait incroyables. Il se trouve que les insoumis, dans cette histoire, ont eu un rôle tout à fait exemplaire. La présidente du groupe de la gauche au Parlement européen, qui est Manon Aubry, une insoumise, qui a été notre tête de liste, si vous voulez vous en souvenir, aux précédentes élections européennes, a, elle, eu, le nez creux. Elle s'est aperçue qu'il y a quelque chose qui tournait par rond. Pourquoi ? Parce qu'elle participait à un groupe de travail où il s'agissait d'écrire un texte pour mettre en cause la manière dont les droits de l'homme sont traités au Qatar, et en particulier ce qui se passait avec les travailleurs qui sont morts sur les chantiers dans des conditions que chacun a à l'esprit maintenant, c'est-à-dire traités quasiment comme des esclaves. Et donc il y avait un texte qui se préparait, elle était très surprise en disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Il y avait des votes qui avaient lieu sans cesse, où les membres du Parti Socialiste Européen, je précise bien, hein, pas les Français, et puis la droite, voter et enlever des bouts de phrases à chaque fois qu'il était question du Qatar et en rajouter sur tous les sujets que les membres de ce groupe de travail voulaient. C'était pour parler de l'Afghanistan, n'importe quoi. Ils étaient d'accord pour le mettre alors que ça n'avait pas de rapport avec la Coupe du Monde de foot. Et Manon Aubry dit, ça tourne pas rond. Il y a un truc qui est pas clair dans ce comportement. Elle prend des notes, ce qu'elle ne fait jamais dans ce genre de réunion. On évite parce que c'est ce qui libère la parole. Vous savez, les réunions, on va tout raconter à la presse. C'est plus des réunions, quoi. On peut plus travailler parce que personne ne peut donner son avis. Bon, donc en général, elle respecte le cadre. Et puis, bon, mais là, elle s'est dit, c'est trop bizarre. Je note. Elle a noté, elle a relu après ses notes et elle s'est rendue compte que, en effet, son impression était renforcée par les choses qu'elle avait notées. Et peu de temps après, elle dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, voyons ce que donne le texte. Alors, le texte, au moment où il arrive au vote, a disparu tout ce qui concernait vraiment la mise en cause du Qatar et on retrouvait les phrases qui arrangeaient le gouvernement du Qatar, où on disait qu'il faisait des grands progrès, que ceci, que cela, etc. Bon. Alors elle se dit, ça c'est pas possible. Et elle pose la question publiquement, elle dit, est-ce que le Qatar a un pouvoir d'influence sur le Parlement européen et sur les groupes qui y constituent une majorité? Et elle a posé la bonne question, et pour le vérifier, parce que c'est pas quelqu'un qui, comme ça, fait des sous-entendus, bon, pour le vérifier, elle a déposé une quarantaine d'amendements sur la question des droits de l'homme, sur la question du traitement des travailleurs, sur etc. Et à chaque fois, ces amendements ont été battus au vote par un vote conjoint du groupe socialiste et de la droite. Et donc elle s'est dit, c'est clair, il y a là un travail d'influence qui est fait, de lobbyiste, et ce travail débouche sur ce résultat, c'est qu'il est impossible de faire voter un texte honnête sur le Qatar. C'est-à-dire même si on n'est pas déchaîné, on peut quand même dans un texte dire qu'on met en cause les méthodes qui ont été utilisées par le Qatar. Ça, c'est le deuxième point que je voulais mentionner, c'est la participation du petit groupe des Insoumis, parce qu'ils sont six, mais du grand groupe de la gauche unie que dirige Manon Aubry, ont eu un beau rôle dans cette histoire, et je ne peux pas faire moins que de dire que c'est quand même curieux de voir ces gens qui ne cessent de nous faire des reproches, qui nous disent que nous sommes poutiniens, que nous sommes ceci, que nous sommes cela, eux, pendant ce temps-là, très tranquillement, ils prennent de l'argent pour voter des positions au Parlement européen. Ça, oui, c'est un problème. Et comment se fait-il qu'ils puissent avoir une influence telle dans leur groupe que les décisions du groupe socialiste et du groupe de droite aient été de voter contre nous? Eh bien, on peut vous dire pourquoi. C'est parce qu'à force de répéter que n'importe quoi qui est proposé par les Insoumis, c'est terrible, c'est horrible, et c'est pire que tout, et que l'extrême droite, eh bien, ça fait que ces gens votent comme des robocopes. Dès qu'il est question d'un amendement insoumis, on vote contre. Dès qu'il s'agit d'un amendement de gauche, on vote contre. Voilà ce qui a été le réflexe pernicieux qui a été à l'œuvre dans ces votes incroyables, parce que, personnellement, je ne crois pas que les groupes, et je tiens à le dire, je ne crois pas que ces groupes soient des groupes corrompus. Il y a des corrompus dans leur groupe, et ils sont assez malins pour faire voter les autres, mais les autres devraient se poser des questions de savoir comment ils se retrouvent à voter des bêtises pareilles, des choses aussi inacceptables, et maintenant ils ont découvert que c'est parce qu'il y a de l'argent qu'arrivait dans les poches de quelques-uns d'entre eux. Ça doit être dit si on veut pouvoir dire maintenant au Parlement européen, une fois qu'on a dit on ne confond pas le Parlement avec quelques corrompus, leur dire écoutez maintenant il faut mettre de l'ordre, vous ne pouvez pas accepter une situation pareille. Vous ne pouvez pas accepter une situation où il y a 26 500 lobbyistes présents de façon régulière, professionnelle, à Bruxelles, et que 70% d'entre eux soient là pour défendre les secteurs privés. Et que, pour donner un exemple, la Fédération européenne de l'industrie chimique est à elle toute seule plus de lobbyistes que toutes les organisations de défense de l'environnement n'ont de permanents. Cette situation ne peut que conduire à la fin, à ce que les lobbies ont un poids qui est disproportionné. Personnellement, j'ai été député européen pendant deux mandats, pas tout à fait deux. Et bon, je n'ai jamais vu un seul lobbyiste, mais je sais que la proportion, je la connais. Alors évidemment, ils vont voir les gens auprès de qui ils pensent qu'ils vont avoir de l'influence, et pas les autres, c'est-à-dire les gens comme moi, et comme les élus que je connais, avec qui c'est pas la peine de venir discuter, parce qu'ils sont pas d'accord pour se laisser influencer comme ça. Les signaux sont trop nombreux. Regardez, par exemple, quand Uber s'est installé en Europe, ils ont aussitôt multiplié par 16 le nombre de leurs lobbyistes pour venir intervenir. Donc, ça veut dire que dans la terre entière, on se dit, bon, ben, les Européens, on sait comment faire. On vient, on amène nos gens, ils font la tournée des popotes. Alors, bon, d'abord, je veux féliciter publiquement le groupe de la gauche unie, Manon Aubry. Vous voyez apparaître, en même temps que je parle, des coordinations, des liens qui vous permettent d'aller, de vous renseigner au plus près du travail qui a été fait, des dénonciations qui ont été opérées par les députés européens insoumis et de la gauche unie. Alors maintenant, il va falloir que je vous dise au revoir. Normalement, on ne se revoit pas avant l'année 2023, sauf s'il se produit des événements en cours de route qui m'obligent à revenir devant la caméra. Il se passe toujours des choses imprévues, je le sais. Maintenant, mettons ça de côté. Le reste, c'est quand même encore des bonnes nouvelles. Et en particulier, la fondation dans laquelle je vais m'impliquer maintenant pleinement, avec ma co-présidente, les choses se passent comme prévu, pour elle et pour moi, la fondation La Boétie, qui est en quelque sorte l'endroit où vont avoir lieu les débats sur les grands sujets. Alors, c'est organisé par compartiment académique, ça va produire soi-même des idées. Il y a un site de la fondation La Boétie, vous pouvez le consulter, il y a déjà des notes en ligne. C'est des notes savantes, hein. Je ne vais pas non plus vous faire croire que Bon, alors tout le monde fait un effort, mais ce sont des professeurs, des gens qui ont des hauts niveaux universitaires, des chercheurs qui nous aident, qui s'expriment, qui analysent et qui donnent des éléments. Et évidemment, on pourra les consulter sur toutes les grandes questions où on veut avoir une réflexion sérieuse. Alors bon, qu'en pensent les philosophes, qu'en pensent les géographes, qu'en pensent les historiens, qu'en pensent les économistes sur une question, et avouer que c'est une démarche intellectuelle et politique plus honnête, plus documentée, qu'un camarade qui se met à écrire un texte, il met sa signature et compte que d'autres viennent signer avec lui, juste parce qu'ils ont vu son nom. Attention, hein, c'est pas les rencontres que nous organisons, c'est pas la pensée officielle de la France insoumise, hein, y en a pas. Y a des discussions, et les gens qui viennent, quand ils viennent, c'est pas parce qu'ils sont d'accord avec nous. Souvent, c'est justement parce qu'ils sont pas d'accord avec nous qu'il y a une discussion, mais notre point de vue est représenté. Par exemple, la prochaine fois, je vois en direct table ronde sur l'inflation. Ça sera mené par Aurélie Trouvé, qui est une des nôtres. Et puis il y a Michel-Édouard Leclerc. Ça m'étonnerait que Michel-Édouard Leclerc adopte les thèses des Insoumis, mais ça nous importe qu'on entende ce qu'il a à dire, et bien qu'on comprenne son raisonnement, qu'on puisse lui présenter le nôtre, pour qu'on voit ce qu'il y répond, c'est sans animosité, sans rapport de force. Ensuite, il y a les économistes qu'on connaît, Eric Berth, Cédric Durand, qui sont tous les deux des personnages qui organisent en général la pensée économique de notre mouvement et des thèses que nous avançons. Et puis nous avons quelqu'un comme Madame Agnès Benassi-Quéré. C'est une économiste reconnue internationalement. Elle n'est pas de notre avis. En fait, je n'en sais rien. Je verrai bien en l'écoutant. Mais je m'en doute, puisqu'il y a des thèses multiples qui existent. On la connaît, elle est reconnue internationalement. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que dans cette discussion, tous les arguments puissent être entendus. Mais il y a d'autres tables rondes qui vont avoir lieu dans un futur proche. Sur celle-là, là, ce jour-là où on va parler de l'inflation, qui est un sujet un peu compliqué, parce qu'on est loin d'être tous d'accord sur les causes et sur les manières d'y remédier. Donc ça sera, je pense, intéressant pour vous de suivre ça. On l'a fait dans un format qui est pas celui d'un meeting, hein. C'est une petite salle, il y a 90 personnes seulement qui peuvent rentrer là, et puis il y aura une diffusion. Alors si ça vous intéresse, vous pourrez suivre, et vous êtes bien sûr les bienvenus sur la chaîne YouTube qui diffuse. Bon, pour beaucoup d'entre nous, d'ores et déjà, j'ai vu qu'il y avait des réunions au siège sur le sujet, il y a la préparation du soutien que nous allons apporter, qui doit être total au groupe, qui comporte, je crois, à peu près toutes les organisations de jeunesse du pays qui militent, qui ont décidé de lancer une marche sur le thème des retraites, ce qui est une manière aussi de montrer que c'est intergénérationnel, cette question, et qu'il vaut mieux s'en soucier tôt que tard. Cette marche, elle aura lieu le 21 janvier, elle est appelée par l'ensemble des organisations de jeunesse du pays, et puis des organisations comme les Insoumis et d'autres, hein, vous verrez à mesure la liste s'allonger, peut-être aussi des fédérations syndicales. Bref, ça sera l'événement social et politique de la rentrée. Je vous demande à tous, amis, de vous préparer à accompagner les jeunes, ne pas les laisser tout seuls dans cette histoire, et nous serons là, au fond, on défendra tous la même chose, et c'est ça qui compte. Mais vraiment, je demande que chacun fasse l'effort de donner une impulsion à l'année 2023 qui soit une impulsion sociale où les gens montrent qu'ils ne vont pas se laisser tondre. Maintenant, c'est le Noël qui vient. C'est pas une Noël facile cette année, hein, pour plein de raisons. Il fait froid, beaucoup de gens ont faim. Bref, je ne vais pas en rajouter, mais il nous reste toujours la possibilité d'entretenir et d'étendre la part de feu qu'on a dans le cœur, d'amour qui s'y trouve. Et puis, à partir du 21 décembre, le jour, chaque jour, est un peu plus long que la nuit. Si vous le permettez, je voudrais encore vous chanter une chanson qui a pour but de réconcilier le clergé et la masse ouvrière. Vous allez peut-être me demander pourquoi j'essaye toujours de réconcilier le clergé et la masse ouvrière. C'est parce que je pense qu'à ça. Je peux pas vous donner d'explication logique, je ne sais pas exactement d'où ça vient. Je pense que ça vient de mes origines. Il faut dire que je suis né dans une famille où nous avons reçu une éducation extrêmement sévère. Et chez nous, la maxime était « je pense donc jésuite ». Fatalement, ça m'a marqué jusqu'à l'adolescence. D'autre part, puisque l'occasion m'est donnée de parler ce soir devant un auditoire, je voudrais faire une mise au point, car depuis quelque temps, je reçois des lettres anonymes et l'on m'accuse de n'avoir ni moralité ni religion. Je trouve ça très vexant et très injuste, car on a le droit de dire bien des choses sur moi, mais on ne peut pas dire que je n'ai pas de religion. De la religion, j'en ai, et la meilleure preuve que je puisse donner, c'est que la Bible a toujours été mon livre de chevet. Il n'entre absolument pas dans mes intentions de critiquer la Bible. Je trouve que c'est un très beau livre, très bien écrit et très bien relié. Et je trouve même que c'est véritablement le chef-d'œuvre du suspense.

danser le tango. Oui, presse. Alors, quoi de neuf? Nous inquiétons de voir la probabilité augmenter d'une croissance mondiale inférieure à 2% du fait du ralentissement simultané des États-Unis, aux États-Unis, en Europe et en Chine. Oh bon, vous croyez qu'on peut être aussi pessimiste que ça? Avec les gouvernants qu'on a, les gens pour qui certains ont voté, hein? Ah oui, il y en a qui ont voté pour Macron et pour Poutine et tout ça, hein. Il y en a qui ont voté pour eux. Oui. Ah ben oui. Ils se sont trompés ou on les a trompés, les gens. Certains. Une partie trop importante aussi. Le Parlement sévit contre l'eurodéputé Eva Kaili. L'eurodéputé grec Eva Kaili était déchue de sa vice-présidence du Parlement européen à la quasi-unanimité ce mardi, alors que les détails et perquisitions continuent d'effarer les europarlementaires à Strasbourg. Une enquête va être menée en interne. Une résolution sera votée jeudi. Eva Kaili démise de son mandat de VP. Pas question de tarder à réagir. Seulement 4 jours après la perquisition chez l'eurodéputée grecque Eva Kaili à Bruxelles, celle-ci a été démise de ses fonctions de vice-présidente du Parlement européen. Vice-présidente du Parlement européen. Ah oui. Voilà, voyez. Comme quoi c'est tous ces élus-là, ils peuvent être corrompus parfois. Ah oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Oh là là. Ah là là. Ah. Oh, bah, on est en 2023 hein, maintenant. Halte à la guerre. La guerre qui se développe en Europe a d'ores et déjà ses conséquences politiques et économiques dans le monde entier. Elle fait peser la menace d'un danger mortel contre les peuples d'Europe et ceux de tous les continents. Elle fait peser la menace d'un danger mortel contre tous les peuples d'Europe et ceux de tous les continents. Voilà, des choses qui auront été dites début janvier 2023 sur les antennes de Radio Guimouzo. Radio locale, radio libre. Toute ressemblance avec des situations existantes. Il suffit parfois de traverser la rue, ou plutôt la mer, pour trouver non pas du travail, n'en déplaise à Macron, mais matière à réflexion. Ainsi, chez nos voisins britanniques, berceau du capitalisme, tout part à volo. En un an, les prix de l'énergie ont doublé. Ceux de l'alimentation ont augmenté de 16%. Mais les hausses de salaire proposées par les employeurs sont inférieures à 5% en Grande-Bretagne. Hein. En réalité, la situation d'urgence sociale ne date pas d'hier en Grande-Bretagne. Depuis des années, l'austérité et le chaos du marché ont fait croître la misère et les inégalités. Une personne sur cinq vit sous le seuil de pauvreté en Grande-Bretagne. Mais parmi elles, on trouve 4 millions d'enfants et 2 millions de retraités. Le nombre de sans-abri a doublé en quelques années. Sans surprise, l'espérance de vie dans le pays a reculé en 2020. Les inégalités n'ont jamais été aussi fortes. Dans le quartier le plus cher de la capitale, les riches vivent en moyenne 16 ans de plus que les pauvres. En Grande-Bretagne. En France, en France, on ne sait pas. Hein. Non, les journalistes français, ils sont priés de, s'ils veulent continuer à avoir du travail le lendemain, le surlendemain, ils ont intérêt à dire les réalités, les vérités dictées par le gouvernement. Ah oui, garde à vous. L'EPR, un engin trop complexe, quasi inconstructible. Le réquisitoire de l'ancien patron d'EDF. Henri Proglio, qui s'exprimait le 13 décembre devant des députés à l'Assemblée nationale, juge qu'il est urgent de revoir la conception de l'EPR. EDF vient d'annoncer un énième report de la mise en service du réacteur. Le chantier de Flamanville accuse désormais 12 ans de retard. L'EPR est un engin trop compliqué, quasi inconstructible. On en voit le résultat aujourd'hui. Voilà. Comment on est gouverné? Comment on vote pour n'importe qui? Et puis après, on est surpris des mauvaises surprises. On est étonné. On comprend pas comment ça se fait que des énormités vraiment invraisemblables arrivent. Ouais, on comprend pas. On se demande bien pourquoi. Hein? Qu'est-ce qu'on a pu faire pour que ça arrive, des choses comme ça. Hein? Peut-être qu'on a mal voté. Enfin, un certain nombre d'entre nous ont mal voté. Peut-être plusieurs fois même. Ah oui? Ah oui, il y en a qui votent pour celui qui tient la schlag. Vous savez, la schlag. Eh oui. Voter pour le bourreau, c'est quand même pas malin, hein. Enfin. C'est comme ça. C'est la nature, que voulez-vous? C'est la nature. Le pauvre électeur, il fait ce qu'il peut. Hein? Eh oui. Avec les informations qu'il reçoit, il peut pas réagir autrement, le pauvre électeur. La pauvre électrice. États-Unis, Donald Trump, bientôt inculpé. Point d'interrogation. Selon un compte rendu préliminaire publié lundi, la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut de la capitale, du Capitole, en janvier 2021, recommande que des poursuites pénales soient lancées contre l'ancien président. Vous avez remarqué que les présidents, les premiers ministres, les ministres, les responsables en général maintenant, ils sont de plus en plus souvent poursuivis en justice. Eh oui. Ah, pas poursuivi pour un problème de stationnement. Non, pour des problèmes de gouvernement. Soit ils sont incompétents et bien souvent ils sont très malhonnêtes. On vote pour des gens malhonnêtes, nous, vous croyez? Nous, les électeurs, on n'est pas des imbéciles, voyons. Hein? Enfin, majoritairement, bon, oui, enfin, c'est comme vous voulez. Hein. C'est vous qui voyez. Hein? Mais oui, allez, on vote comme on peut. Comment, suivant qu'on est bien informé ou pas, ben, on vote plus ou moins bien. Hein? Voilà. Et puis après, on subit les conséquences. Et puis nos enfants, nos petits-enfants, après, eh ben oui. Parce que il y a certaines décisions qui concernent 3, 4, 5 générations. Qui ont l'air de rien comme ça. Et puis, qui sont très, très graves. Eh oui, l'invention de la bombe atomique, par exemple, ou la création des centrales nucléaires, et puis certains laboratoires pharmaceutiques, et puis etc., etc. Tout ça, ça a des conséquences très, très, très graves. Oui, on n'y est pas pour pas grand-chose, on s'est juste un peu trompé en allant voter un coup ou deux, c'est tout. Les boulangeries dans le pétrin. La crise énergétique n'épargne pas les artisans boulangers. En dépit des aides prévues par le gouvernement, leur facture d'électricité devrait bondir en 2023. Pour maintenir leur trésorerie à flot, et éviter la fermeture, beaucoup vont devoir augmenter les prix. Mais s'il y a beaucoup de petits boulangers qui ferment, bon, les grosses boulangeries industrielles dont M. Macron est peut-être actionnaire, ils vont peut-être profiter. Ah, ce qui fait du tort aux uns, ça peut profiter aux autres, hein. Ah, c'est ça le monde des affaires, hein. Il faut qu'il y ait des perdants pour qu'il y ait des gagnants. Eh oui, c'est ça le capitalisme. Eh oui. Remiremont, mort inexpliqué à l'hôpital, la justice ouvre 4 enquêtes. Alors il y a une page complète sur le sujet. Une demi-page. Puis d'autres sujets qui vont un peu avec, mais enfin bon, quand même, mort inexpliquée à l'hôpital, des lettres de 1 cm 2 de haut. Donc le sujet est important. On veut nous informer ou nous déformer peut-être un peu. Après le dépôt de 2 nouvelles plaintes, l'une pour homicide involontaire et l'autre pour blessure involontaire, l'hôpital de Remiremont fait désormais l'objet de 4 enquêtes si on y intègre les 2 précédentes. Le chef de service du service des soins, qui a pris en charge 2 patientes décédées, indique qu'une expertise interne est en cours. expertise interne est en cours. Pourquoi elle serait pas externe, l'expertise? Hein? Bon. 4 enquêtes sont en cours pour homicide involontaire et blessure involontaire. Est-ce qu'on ne serait pas en train d'accuser l'hôpital public, en général, hein, pas que celui de Remiremont, hein, vous remarquerez, au profit des cliniques privées, voyons. Hein. Pourquoi pas, hein? Ça se pourrait, vous savez, la concurrence, le commerce, le monde des affaires, l'argent, le fric, le pèse, le pognon, très important. Les effets de la consommation en outrance, alors 4 milliards. L'industrie textile génère 4 milliards de tonnes d'équivalent de CO2 par an. C'est plus que l'impact des vols internationaux et le trafic maritime réuni. Vous voyez, quand on consomme du textile, eh bien, on est fautif de choses, de conséquences graves pour la vie de l'humanité. Eh oui. Donc, il faut arrêter de consommer. Il faut de consommer moins. Beaucoup moins. Il faut diminuer nos dépenses en ce qui concerne le textile. 14,5% à l'échelle mondiale. L'élevage représente 14,5% des gaz à effet de serre, soit autant que le secteur du transport. En outre, la production de viande ou d'œufs nécessite des quantités d'eau plus importantes que celles des céréales et des légumineuses. Ah, consommons plutôt des légumes et des céréales et arrêtons de consommer de la viande. Oui, c'est notre faute, 14,5%. 7 milliards chaque année, 7 milliards de grands arbres sont abattus dans le monde pour un besoin économique immédiat, sans être remplacés, ce qui représente 200 000 km² de forêt coupée, la surface de la Guyane. 240 000, les vêtements en matière synthétique relâchent des microfibres plastiques à chaque lavage. 240 000 tonnes de microparticules de plastique sont ainsi répandues dans l'environnement chaque année dans le monde. 10 millions de tonnes d'aliments consommables partent chaque année à la poubelle en France, soit une valeur commerciale estimée à 16 milliards d'euros. Eh bien, vous voyez, nous autres électeurs, consommateurs, eh bien, nous sommes responsables de l'état de la planète. Eh oui, on va laisser un monde inhabitable, invivable, à nos enfants, aux petits-enfants et aux générations qui suivent. C'est pas la faute des politiques. Non. Le député, le sénateur, le ministre, le banquier, ils sont pas responsables. C'est nous les consommateurs, nous les électeurs. Directement, c'est vrai que, directement même. Dans le portefeuille, 720 euros de moins à cause de l'énergie. La hausse du prix de l'énergie a coûté en moyenne 720 euros aux ménages français entre janvier 2021 et 2022. Plus précisément, 840 euros partiellement compensés par 120 euros d'aide de l'État qui ont fait baisser le pouvoir d'achat de 1,3% en moyenne. Alors, l'aide de l'État, ben, c'est nous qui payons. Hein. Eh oui, c'est tous ceux qui payent des impôts. Et tout le monde paye des impôts. Eh oui, il n'y a pas que les impôts directs. Les impôts directs, finalement, ils sont pas très justes. Ils sont pas trop bien répartis. On paye beaucoup de TVA. Tout ce qu'on... Quand on consomme, de la nourriture, de l'habillement, du transport, etc., on paye beaucoup de TVA, qu'on soit riche, très riche ou très pauvre, on paye de la TVA, voilà, c'est totalement injuste, mais c'est comme ça. 6%, la prévision de l'inflation en 2023, selon la Banque de France, souhaite un rythme comparable à 2022. Les premiers apprenants formé à la Maufray Academy. Alors, Academy, A majuscule, C-A-D-E-M-Y. Pas Academy I-E. Hein? It's no French. Academy. Maufray Academy. Das ist sehr gut. Sehr schön. Biden, Zelensky, des armes et la paix, point d'interrogation. Le président ukrainien a été reçu mercredi par le président des États-Unis avant une intervention prévue devant le Congrès américain. Une visite éminemment symbolique pour le premier déplacement à l'étranger de Volodymyr Zelensky au 300e jour de la guerre. Voilà, alors la Russie de Vladimir Poutine se met à être aussi dégueulasse que les États-Unis qui ont fait la guerre pendant 70 ans. Hein, un peu partout dans le monde. Ça n'a pas arrêté. Ils ont vendu des armes et ils ont livré des armes sur les populations civiles un peu partout dans le monde pendant 70 ans. Et la Russie se met à être aussi dégueulasse. Eh oui, ben le monde n'est pas en train de s'arranger. Hein. Poutine veut développer son armée et ses forces nucléaires. Eh oui. Afghanistan, les femmes interdites à l'université. Ouais, ben le monde s'arrange pas, hein. On a dû mal voter deux ou trois fois quand même, ici et là, un peu partout dans le monde. Et pourquoi on vote mal? Ben parce qu'on est mal informé. Et oui, les journaux, les journalistes, ce sont les complices du pouvoir. Alors le pouvoir avec un P majuscule, hein. Le pouvoir qui peut tout, qui peut changer complètement la vie des gens. De la naissance à la mort, qui peut apporter toutes les souffrances possibles et imaginables. Succession de Jean Rottner, Franck Leroy, ultra favori. Franck Leroy, la politique est un combat où les entourages prennent des coups sans pouvoir se défendre, car ils ne sont pas sur le ring. Ouh là, il va diriger bien la région, lui. Oh là là là là là là là. On peut pas s'attendre au pire avec des gens comme ça, non. On ne peut s'attendre qu'au mieux, au meilleur, au toujours mieux. Oui, il fera bon vivre l'année prochaine, et puis l'année suivante encore. Oh oui, oh oui, oui. Un danger pour les femmes, réforme des retraites, Macron. Aujourd'hui, la pension moyenne perçue par les femmes est inférieure de près de 40% à celle des hommes. Si l'on tient compte des pensions de réversion et de leur majoration pour enfants, la retraite moyenne des femmes est inférieure de 25,2% à celle des hommes. Voilà, encore des injustices, toujours des injustices. On a accumulé les injustices, nous autres, les électeurs, en votant mal. Depuis 30, 40, 50 ans, assez régulièrement, en votant mal, ben oui, on a mal voté, régulièrement. Enfin, certain nombre d'entre nous ont mal voté. Et, ils ont du sang sur les mains, tous ceux-là, les mauvais électeurs. Tuerie de Paris, les Kurdes, première cible du suspect. Le suspect de la tuerie de la rue d'Anguien à Paris a expliqué aux policiers qu'il voulait initialement tuer des immigrés en Seine-Saint-Denis. Il dit avoir développé une haine pathologique des étrangers, entre guillemets, haine pathologique des étrangers, après un cambriolage en 2016. Sa garde à vue a repris ce dimanche après-midi. Voilà. Que des bonnes nouvelles, quoi. Ça vaut le coup de payer un abonnement au journal, hein. Ah oui, comme ça on sait toutes les mauvaises nouvelles du monde, quoi. Ben oui, ça console, ça rassure, ça, ouais. Alors, 200 000, le nombre de personnes concernées par l'annulation de leur voyage pour ce week-end de Noël, sur les 800 000 prévus normalement dans les trains par la SNCF. Mais les choses se sont un petit peu arrangées, hein, oui, ah oui. Les grévistes ont moins grévé, ont moins fait grève. Voilà, ils étaient fâchés, et ils sont moins. Enfin, c'est ce qu'on nous raconte. Hitler n'aurait jamais été élu sans l'élite bourgeoise. Élite, avec un E majuscule, bourgeoise avec un B majuscule. Bolsonaro n'aurait jamais été élu sans l'élite bourgeoise. Mélanie n'aurait jamais été élu sans élite bourgeoise. En France, on stoppe la bourgeoisie RN ou on récidive? Point d'interrogation. L'Union européenne, protectrice des nazis bourgeois? Point d'interrogation. Pour le historien britannique Ian Kershaw, c'est la complaisance d'élites bourgeoises convaincues, à tort, de pouvoir les manipuler, qui a permis aux nazis de prendre le pouvoir en 1933. Un calcul fou. À 70 ans, le Britannique Jan Kershaw est considéré comme l'un des meilleurs historiens de Hitler. En 1999, il a publié une biographie en 2 volumes du maître du Troisième Reich, qui a connu un grand succès international. La traduction française est parue chez Flammarion. Son dernier livre consacré à Hitler s'intitule « La fin ». Il a été publié en 2012 au Seuil. Il a été anobli par la reine d'Angleterre en 2022. Ah oui, la reine d'Angleterre, elle savait ce que c'était que la Deuxième Guerre mondiale. Eh oui, elle était jeune fille à l'époque et elle s'était fait enrôler dans l'armée britannique et elle était secouriste ambulancière. Elle avait fait un petit peu de mécanique, elle savait lever le capot du bagnol, puis faire les réparations un peu simples, voilà. La reine d'Angleterre, elle a anobli cet auteur. Eh ben oui, elle savait de quoi il parlait, c'est brave homme. Voilà, voilà.